temps de la houle, il se noie dans mes veines, à la sueur de nos morts, le sang et la mer. General Sir! avec vous. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. À la frontière de la baignoire. bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. L'émission Mavrika, c'est tous les vendredis à partir de 19h. On est ensemble pour 3 heures de bonne musique, hein, puisque dans l'émission Mavrika, c'est comme ça, on reçoit les meilleurs artistes de la région orléanaise. Et d'ailleurs, hein, tous ceux qui veulent venir, hein, si vous venez du Japon, tout ça, on peut s'arranger peut-être pour les billets d'avion. En attendant, aujourd'hui, on va recevoir un groupe, comme d'habitude, mais je vais vous garder le nom pour la fin. Alors, depuis le début de l'année, on a déjà reçu pas mal d'artistes, hein, ici dans nos studios. On a reçu Alex Lebaille que j'ai vu hier. On avait été en concert voir au VNB un groupe que nous avons reçu qui s'appelle Roxy Moore. Voilà, un très bon groupe. Hein. Si vous avez l'occasion d'aller les voir en concert, allez-y, n'hésitez surtout pas. Ils font des superbes reprises et franchement, des fois, on s'y croit. Hein. Vraiment, on dirait des vrais. Voilà, on avait reçu aussi Joe Gigg dans l'émission numéro 536. C'était le vendredi 20 janvier. On a reçu Elsia qui était venue nous présenter son nouveau single. On avait fait aussi une émission il y a 15 jours avec les Brunettes, The Brunettes, d'ailleurs qu'on écoutait en début d'émission. Et on avait passé un très bon moment. Il y avait d'ailleurs le chanteur de Yeti qui est venu nous faire un tour, Sébastien. Donc on embrasse tous ces gens-là. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que la semaine prochaine, nous avons encore des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il y aura cette fois-ci un groupe qui vient de Paris, hein, puisque c'est Anaïs from Paris. Donc une découverte dans l'émission Mavrika. Donc la première rencontre, leur premier passage. Et vous le savez, les artistes qui viennent dans l'émission Mavrika, après ils font partie de la famille, donc ils reviennent quand ils veulent. Il n'y a pas de souci. Donc le 3 mars, voilà, on est au mois de mars déjà, on recevra le groupe Ombrage avec lequel on a commencé cette émission. On recevra le 10 mars Full System, le groupe qu'on vient d'écouter à l'instant. Le 14 avril, nous recevons Glass Zone, une découverte dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 21 avril, ça sera Satis Guy. Et le 28, c'est Stéphane, acoustique. Stéphane qui fait partie du groupe Les Ailes au Nord et qui fait aussi un projet solo. Donc nous le recevrons, ça fait plusieurs fois qu'il vient dans les studios, lui fait partie de la famille depuis pas mal de temps et on est bien content de le retrouver. Depuis le début de l'émission, on a écouté pas mal de musique, on a écouté entre autres, j'affiche le programme, hein, parce que moi je mets le programme en direct sur le Facebook de l'émission Mavrika. Donc si vous avez loupé un morceau, si vous connaissez pas le nom d'un morceau que je vous diffuse, vous pouvez toujours aller voir. Donc on avait commencé cette émission avec Ombrage, un morceau qui s'appelle À part des mondes, The Brunettes avec Situation. On a écouté aussi The Black Tomate, première diffusion ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors c'est un groupe, j'ai essayé de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, mais en tout cas j'ai bien aimé ce morceau-là. J'ai pas réussi à trouver. Vous cherchez The Black Tomate sur Facebook ou sur YouTube aussi, vous pouvez les trouver. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle In the Middle of the Night. J'ai l'impression qu'ils sont de la région, donc peut-être un jour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et le dernier morceau qu'on a écouté, c'était Full System avec L'Heure Bleue. Voilà, maintenant je peux vous l'annoncer. Alors ce soir, on va avoir les oreilles qui saignent. Non, c'est pas nous qui allons avoir les oreilles qui saignent. Les oreilles qui saignent, c'est le groupe que je reçois ce soir. On va passer un bon moment avec eux. On va découvrir tout leur univers. Et voilà, c'est comme ça. Jusqu'à 22h. Restez avec nous. On continue avec un morceau de Sika. Sika qui sera en concert demain soir au Dropkick à Orléans, dans le centre Châtelet, hein, au centre d'Orléans, avec le groupe Drive to Amnesia. Donc on écoute le titre Enjoy. Et on se retrouve juste après avec les oreilles qui saignent. C'était le titre Enjoy, interprété par le groupe Sika, que vous pouvez aller voir donc demain au Dropkick, avec un autre groupe qui s'appelle Drive to Amnesia, qu'on a reçu il y a quelques temps. Et puis en plus, Sika, on les suit depuis le début. Ils ont beaucoup évolué depuis le début, depuis la création de ce groupe. Hein. Et quand ils veulent, ils reviennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ça sera toujours avec plaisir. On va retrouver nos invités. Tout à l'heure, je l'avais dit, on va avoir les oreilles qui saignent dans les missions Mavrica sur Radio Arc-en-Ciel. Salut. Salut. Salut. Vous êtes à l'antenne. Vous allez bien? Ça va. Ça va. Nickel. Nickel. Donc les oreilles qui saignent. Donc c'est la première fois que vous venez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a déjà diffusé des morceaux. Bah moi je vous ai découvert. C'était une fois en regardant justement les morceaux de David McLane, un des artistes que j'ai reçu dans l'émission Marika et qui a aussi été chroniqueur pendant pas mal de temps dans notre émission, au moins 3 ans. Et j'ai vu qu'il y avait un morceau qui était repris par un groupe qui s'appelait Les Oreilles qui saignent. Je me suis intéressé. Je connaissais ce morceau, c'était La Bouteille de Rhum, hein, le fameux morceau de David. Et donc j'ai diffusé déjà à plusieurs reprises. Et un jour j'ai eu l'occasion de vous rencontrer. Donc c'était au Son des Blés, hein, il faut le dire. C'est organisé par l'association Le Son des Blés, hein, oui. Tout simplement. Et donc ça s'était passé à Boulay-les-Barres. Et il y avait des très bons groupes et vous étiez là, donc j'ai pu découvrir un petit peu votre univers. Et on est là donc pour le faire découvrir à tous les auditeurs. Voilà. Et voilà. Et donc voilà. Les oreilles qui saignent. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors là, la voix qu'on entend, bah, c'est quelqu'un qui est un habitué, déjà venu avec plusieurs projets différents. Oui. La dernière fois, c'était avec un groupe qui s'appelait Summer Chains. Ouais. Voilà. C'est un groupe de débiles, mais ça y va. Ça y va bien. un groupe. Et là, c'est quelque chose de complètement différent. Oui. Alors, tu vas nous présenter, ou alors vous allez vous présenter les uns derrière les autres. Donc, oui, ils sont grands. Ouais. Ils sont grands. Donc, oui. On commence par qui? Alors, le premier, c'était Mika. Donc, voilà. Merci. Alors, toi, tu joues de la guitare. Oui. Tu changes pas. C'est toujours même instrument. Non. Ouais, ouais, et par contre, on a deux autres instruments ce soir. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de recevoir beaucoup. Il y en a déjà eu qui sont venus dans l'émission Mavrica. Et en plus, tout à l'heure, on en parlait aussi. Vous êtes déjà venus, les oreilles qui saignent étaient déjà venus dans une émission de Radio Arc-en-Ciel. L'émission animée par Michel, le regretté Michel, qui faisait une émission d'accordéon. Aujourd'hui, heureusement, il y a Nicolas qui a repris aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'accordéon et ça fait partie d'une des couleurs de Radio Arc-en-Ciel. Donc, vous étiez déjà venu dans son émission. Donc, moi, j'ai envie de lui rendre hommage aujourd'hui et puis lui consacrer cette émission en disant voilà, c'est ton émission Michel, tu nous écoutes là-haut, ça va te faire plaisir. Et puis voilà, donc les oreilles qui saignent, donc Mika, ensuite alors moi je suis Loïc et David, voilà. Donc et puis il nous manque une partie de la troupe quand même. Ouais, mais on va les citer, ouais. Ouais. Alors vous, Loïc et David, vous jouez de l'accordéon? Ouais, voilà. Alors nous on a un peu la base du groupe en fait. On est le début les du piliers. Le voilà. Début du commencement du démarrage, la genèse. Donc ouais. David, c'est vraiment le tout début du commencement, de plus que ça, parce que David, ça fait des années qu'il joue l'accordéon. Moi, je l'ai rencontré sur une soirée quelconque, une beuverie quelconque. Et donc ça a commencé comme ça. On a commencé, enfin moi je me suis mis à l'accordéon après avoir vu David jouer, et puis après on a eu l'opportunité de rencontrer un guitariste. Alors à l'époque c'était pas Mika, c'était un Fabien qui, professionnellement parlant, un collègue de boulot à moi, il me dit je fais de la guitare. Et puis un jour j'ai rencontré aussi Thierry qui est notre bassiste et qui à l'époque jouait de la batterie, donc en faisant du sport. D'accord. Donc j'ai dit bah toi tu fais de la batterie, c'est beau. Donc j'ai dit bah voilà, un guitariste, un accordéoniste, enfin deux accordéons, une guitare. J'ai dit bon, on commence à pouvoir créer quelque chose. On a monté un truc et petit à petit. Et puis maintenant bah il s'est rajouté des gens, des Mika, des Philippe, Mathieu qui nous a toujours suivis au son. On a Didier qui est maintenant batteur et Thierry qui a pris la basse pour avoir un bassiste. Et puis voilà, donc on a une composition de 7 personnes. Et Alain, piano, qui nous a retrouvé bah, tout dernièrement, piano, accordéon, qui est revenu, qui est venu appuyer ses connaissances, qui est très bon musicien. Donc on est tous amateurs. Alain était pro, musicien pro. Mmh. Hein. Donc c'était son job. Donc il a ramené tout son savoir-faire, et puis bon, il nous ramène de la technique, et puis quelque chose en plus au synthé maintenant. Et puis à l'accordéon numérique. Très bien. Ça fait tout un grand orchestre, en tout cas. Oui, ça fait une grosse formation. Mm-hmm. Voilà. Très bien. Donc, le groupe existe depuis combien de temps? La base du groupe, je sais pas, c'est vieux. Je crois, je sais même pas. Si je suis rentré, j'ai changé de job en 2013, j'ai rencontré Fabien. Depuis 2014. Ouais, d'accord. Donc presque 10 ans. Vous allez bientôt fêter les 10 ans des Oreilles qui saignent. Ouais. Et comment vous est venue l'idée d'appeler ce groupe les Oreilles qui saignent? Eh ben, c'est le guitariste Fabien, et donc notre ancien guitariste, qui au cours d'une soirée familiale, il explique qu'il est rentré, enfin qu'on est en train de monter un groupe, et puis il était chez sa cousine, et sa cousine lui dit. Ah ben moi je vais commencer la guitare à ce moment-là. Ce que je vais faire, c'est que je viendrai jouer avec vous dans le groupe. Et le copain de sa cousine dit non. Déjà on va avoir les Oreilles qui saignent, c'est mort. Et donc Fabien il est rentré, il a dit tiens ben le groupe il va s'appeler comme ça, ça me va bien. Et on s'en rappellera. Et puis donc on est resté là-dessus. Puis voilà. Puis maintenant c'est connu comme ça. Ça tourne comme ça. Parce que quand je discute des fois avec les gens, je dis voilà, j'ai un groupe qui s'appelle Les Oreilles qui saignent. Pense tout de suite à un groupe de punk ou de métal, ouais, un truc qui on voit bien comme ça. Il y en a un qui existe, hein, vraiment. Les Oreilles qui saignent existent en punk, punk ou métal. Ouais. Donc ça m'étonne même pas. Mais après, vous, c'est peut-être aussi. Bon, après le style, il y a peut-être aussi des. Vous faites que des reprises, c'est ça? Non, on a. Il y a quand même quelques compos. Il y a des compos qui sont écrites par David, parce que David, il a plein de chansons à son actif, en fait. Il est compositeur. Mm-hmm. Donc on en a pris quelques-unes qu'on a mis dans notre répertoire et qu'on a retravaillé à notre sauce, en fait, parce que David, il les joue seul à l'accordéon, en animation seul, en fait. Donc on les a retravaillés en groupe et puis. On en a fait un petit peu notre truc à nous, quoi, un peu différemment. Donc on a des compositions. Enfin, on peut dire qu'on a des compositions bien d'accord. à nous qui sont écrites par David. Donc il nous a autorisé à le dire évidemment, mais ils sont, ah bah oui, ils sont à David paroles et musique, quoi. Ou celles qu'on on en fera peut-être. C'est important une. De le dire quand même. Voilà. C'est bien les compositions, parce que bon, ça c'est l'essence même du groupe. Mais vous faites aussi de bonnes reprises. Ça peut être moi j'ai vu sur l'affiche qu'il y a sur Radio Arc-en-Ciel, il y a écrit que c'est justement des chansons variétés, on peut dire variétés parce que c'est très varié ce que vous reprenez. Il y a du Renaud, il y a du Aznavour, il y en a plein d'autres que je pense pas. En tout cas, c'est des chansons que tout le monde reconnaît et que je pense que ça donne un impact parce que les gens quand ils vont vous voir, ils connaissent pas forcément votre répertoire, même si vous en faites quelques-uns, mais par contre ils reconnaissent des chansons qu'ils entonnent en chœur avec vous. C'est ce qui fait un petit peu la force du groupe, c'est que des chansons sont connues, reconnues. Enfin, tout le monde les a entendues au moins une fois, à part les quelques compositions, mais qui ont aussi un sens, un côté Renaud, Soldat Louis. Chanson engagée à la fois, chanson de marin, chant de marin, enfin c'est toujours la même. C'est pour ça qu'on s'est permis de reprendre avec l'accord de David sa chanson La Bouteille de Rhum. Oui, qui est tout à fait une chanson. Chanson engagée sur le naufrage de l'Erika. Voilà, donc quand je l'ai entendue, j'ai dit celle-là, faut que tu nous laisses la reprendre. Elle a dit bah, évidemment, les gars. Voilà. Elle dit, attendez, vous me faites plaisir, là. Ah bah oui, je pense que pour lui, c'est une fierté de voir que des gens reprennent ses chansons. Ouais. Donc lui, il est auteur-compositeur, on le connaît déjà depuis pas mal de temps. Il est déjà venu un certain nombre de fois en tant qu'artiste. Mmh. Et en plus, on le connaît bien parce qu'il avait fait une émission sur Radio Arc-en-Ciel qui s'appelait Ça va le faire. Ouais. Et avant ça, il était chroniqueur pendant au moins 3 ans dans l'émission Mavrica. Donc il revenait régulièrement et on accueillait déjà à l'époque des artistes. Mais lui, il était chroniqueur en plus. Donc voilà, c'était des émissions qui étaient un peu plus longues. Les horaires ont changé. Maintenant, je suis un peu tout seul. Après le Covid, on va voir après. Mais en attendant, David, on le connaît bien. Et puis d'ailleurs, quand il voudra, il revient ici. Il était venu la dernière fois avec Jimmy Sugar, vous savez, qui reprend les chansons de Johnny Hallyday parce que c'est son héros. Ah oui. C'est d'abord Johnny, ensuite David. Hein, donc on a compris. C'est ça. Voilà. Un peu ça. Voilà, donc Les Oreilles qui saignent, un groupe qui a bientôt 10 ans et vous êtes jusqu'à 7 sur scène. Ouais. Et puis, ce qu'on peut dire, l'originalité, c'est quand même les accordéons. Vous aimez l'accordéon, c'est un instrument qui qui est à la base du groupe, hein, je pense que. Et après, derrière, bah, vous allez rajouter des synthés. Donc, ouais, c'est du rock musette, quoi. C'est du rock, ouais, tout à fait. Parce que, c'est du rock musette, quoi. C'est la question que j'allais poser. Je me demandais, c'est quoi? C'est de la variété? C'est de la musette? Non, il y a c'est tout. Du rock. C'est que, non, c'est qu'on a c'est ramené, très riche. Ouais, c'est très on a riche. Su ramener de l'accordéon, surtout. Sur les morceaux de Raphaël, sur les morceaux de Renaud, sur ceux d'Aznavour ou même sur ceux de Téléphone, on a ramené de l'accordéon partout. Et puis même du Noir Désir, pendant un moment on faisait du Noir Désir, on a ramené l'accordéon dessus. Et puis ma foi, ça passe. Oui, enfin, ça change, quoi. Voilà. Je trouve que c'est bien, justement, de ramener des instruments hein, qu'on n'a pas l'habitude. On reconnaît bien les morceaux, mais vous avez mis votre patte, quoi. C'est ça. Le plus important. D'ailleurs, hier, j'ai été au VNB d'Olivet. Il y avait le groupe Roxy Moore. Je ne sais pas si vous les connaissez. Non. Au son des blés. La personne qui faisait le son fait partie du groupe Roxy Moore. C'est Clément. Donc Clément justement ils ont aussi la particularité, il y a une trompette dans leur, ils font du rock mais avec une trompette et c'est vrai que c'est pas toujours évident de mettre une trompette dans ce style de musique et ils le font très bien. Donc l'accordéon aussi, on peut justement réussir à marier des instruments comme ça, je trouve que c'est formidable quoi. Très bien. Ça se travaille en fait. Oui, je pense. Après, il faut être amoureux un peu de l'instrument parce que si vous n'êtes pas amoureux de l'instrument, c'est sûr que ça peut à intégrer. C'est pas forcément facile. Bon, nous, on n'a pas ce problème-là parce qu'avec David, on est à fond accordéon. Mais voilà. Donc après, les autres, ils s'adaptent. Mika, il n'était pas trop accordéon. Puis finalement. Finalement, il en branche quand même. En même temps, j'ai pas trop eu le choix. Ils m'ont foutu une couteau sur la gorge. Dis, voilà, maintenant, tu viens nous accompagner. Voilà, ça sera de l'accordéon. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu te démerdes. Voilà. Donc, très bien. Bah, je propose qu'on écoute un premier morceau. Alors, tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu parce que vous allez interpréter des morceaux en direct live. Donc, on va essayer de pas diffuser les enregistrements qui correspondent au même titre. Donc, là, j'ai fouillé un petit peu et parmi les morceaux que je reconnaissais, il y en a un qui avait un morceau qui était interprété par Serge Gainsbourg et Eddie Mitchell. Mmh. Voilà. Canaille. Vous avez reconnu tout de suite, c'est Vieille Canaille. Je propose qu'on écoute ce morceau-là. Allez. Ok, c'est parti. Voilà, premier morceau des Oreilles qui saignent, ce sont nos invités ce soir. Donc la particularité déjà, c'est les accordéons, et aussi vous interprétez les morceaux, ils sont tous en français, c'est ça? Ah oui. Hein? Ah oui, ça c'est un groupe de français. Alors là, c'est 100% en réalité française. Et en français. Parce que s'il y a bien quelque chose que je ne sais pas faire, c'est chanter en anglais. Voilà, donc en français, ça c'est, à chaque fois, c'est vous prenez toujours des artistes français. Ouais. Et non, vous n'avez pas envie de reprendre des fois un morceau étranger, anglais, allemand, espagnol, je ne sais pas. Je suis un inconditionnel fan de la chanson française. Je prends du plaisir à reprendre ces chansons-là. Je pense que jamais je pourrais mettre au répertoire. Ou alors, ça ne sera pas moi qui chantera. Musicalement, je peux faire autre chose à l'accordéon, mais chanter... non, je ne sais pas. Je suis un grand, grand fan, et puis je veux conserver cette chanson française. Mmh, bah oui. Les artistes qu'on a, c'est quand même... On a d'excellents artistes en France, voilà. D'ailleurs. Il y a certaines radios qui ont du mal à... Parce qu'il y a un certain pourcentage. Il faut passer quand même des artistes français. Et il y en a certains qui respectent le quota tout juste. Nous, sur Radio Arc-en-Ciel, on n'a pas besoin de se forcer. Hein. On a beaucoup d'artistes français. Et ça nous fait plaisir d'écouter cette belle langue. Hein, parce que c'est la langue que tout le monde connaît. Surtout ceux qui écoutent Radio Arc-en-Ciel, la plupart. Heureusement, il y en a certains qui nous écoutent aussi à l'étranger. Mais... la plupart des gens qui écoutent Radio Arc-en-Ciel aiment la langue française, donc il faut la mettre à l'honneur. Très bien, donc Gainsbourg, Eddie Mitchell, il y en a d'autres, hein, Renaud, etc. Ouais, Renaud, donc plein de bons Renaud, artistes. Renaud, c'est une base musicale pour moi, pour David aussi. C'est ouais. Comme ça que c'est. Enfin, c'est étrange en fait cette rencontre qui s'est passée entre lui et moi. On a les mêmes liens de musique en fait, sans se connaître avant. Quand on est, il arrivait avec son accordéon dans une salle où j'animais moi en tant que DJ, et il faisait que des morceaux de Soldat Louis, des morceaux que j'appréciais quoi, de Renaud. J'ai dit putain, mais c'est qui ce gars? Donc voilà, j'ai approfondi, et puis finalement musicalement parlant, on est très similaires dans les répertoires qu'on écoute et qu'on apprécie. Donc le groupe en fait, il s'est formé autour de ça. Et puis, autour de ça, David chante que des chansons françaises aussi. Et puis, on a fait ce groupe en fait en fonction d'un peu, c'est un peu égoïste, mais un peu en fonction de nous. Mais bon, on était au départ tous les deux, donc on pouvait pas faire autrement. C'est ça. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, non, je me vois pas rentrer dans un répertoire de chansons étrangères. Je vois, c'est pas notre identité, c'est pas notre image. C'est votre essence, je pense que il les faut gens la conserver. Ils nous regarderaient. Un peu bon, après, il y a quelques personnes du groupe que je tairai ici, pour pas, mais qui aimeraient bien. Hein. Qui aimeraient. Non, mais ils ont. Non, mais je vais pas les citer, mais il y a quelques guitaristes. Je vois absolument. Il y a quelques guitaristes nouveaux dans le groupe. Ouais, que je ne citerai pas. Je vois pas de qui tu parles. C'est pas ciblé du tout. Ouais, je sais pas du tout, mais je pense qu'on va écouter un morceau quand même en anglais, hein, juste à la suite, et vous allez voir pourquoi. Il n'y a aucun problème. Oh la vache. We'll be right back. Donc on vient d'écouter un morceau des Summer Chains, voilà, parce que encore on se disait tiens voilà, et étant donné qu'on la transition était toute faite, on était en train de parler d'un des membres de des Oreilles qui saignent qui voulait aussi interpréter des morceaux en anglais, c'était l'occasion de passer les Summer Chains avec Life is Beautiful, c'est la version de l'album Utopia, c'est ça? Exactement. Et il y a une version un peu plus puissante aussi que j'ai déjà diffusée dans l'émission. Non, pas de celle-là. Non. Moi, j'en ai une de celle-là, moi. De Utopia? Ouais. De Life? Oui, sûr, plus puissante. Si. J'essaierai de la retrouver. parce que tu sais, des fois, j'arrive à avoir des trucs que même vous savez pas que vous les savez. Oui. Heureusement qu'on n'a pas le même guitariste que, en tout cas. Non, c'est clair. Je sais pas ce qu'il fait très chez vous. Le coup de bol. Ah, hein. Oh, le coup de bol. Voilà. Le groupe Summer Chains. Alors, le groupe, il continue de tourner, là, en ce moment. Ça reprend un petit peu. Un petit peu ralenti, parce que le batteur est parti à Lyon pour l'instant. Mais dès qu'on peut, on joue. Et voilà. On continue. C'est aussi l'occasion. On a toujours l'album en prépa, donc ça va envoyer du lourd. Donc, dès que vous voulez, vous revenez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est y a pas de soucis. T'inquiète pas. Très bien. On t'oublie pas. D'ailleurs, tu m'as fait connaître aussi un artiste il y a pas très longtemps. C'était qui était venu de Bayonne. Oui, Max. Voilà, Max de Juani. Franchement, un super. Super personne, super agréable. On a fait une super émission et en plus il avait interprété des morceaux en direct live. Oui. Vous allez le faire aussi ce soir. Et puis donc. C'était sage. Je suis sage. Je vais essayer d'être sage avec vous. J'essaie de pas vous embêter trop alors. Tout à l'heure on écoutera un petit morceau de Max. On va essayer de se caler ça. Ouais, je lui fais un bisou d'ailleurs. Voilà. Et puis donc on revient aux Oreilles qui saignent puisque on parlait tout à l'heure de Renaud. Alors Renaud c'est pareil. C'est quand même un artiste qui a remis un petit peu l'honneur. Bon c'est à la fois un rocker et aussi quelqu'un qui nous a fait redécouvrir la Java, la musette. Donc voilà, il a réussi à faire ce mélange déjà. Donc c'est normal que ce soit un petit peu votre modèle puisque vous êtes un petit peu basé sur la même chose. Et puis Renaud, il jouait aussi de l'accordéon lui parce qu'il y avait de l'accordéon sous la torture. Mais il avait des accordéonistes qui l'accompagnaient. Disons qu'il essayait quoi. Ouais, il disait comme essaie. Moi, comme toi. Enfin, c'est moi qui fais comme lui en fait. J'essaye. Okay. Il avait des accordéonistes des vrais qui savaient jouer puis après il y avait lui qui avait un accordéon. Mais bon, c'était plus pour les photos. C'est médiatique. C'est pour ça que je posais la question, parce que vous êtes des vrais accordéonistes et vous pouvez mieux juger que moi, parce que moi, alors là, la musique, le mec qui fait son jouer, moi j'ai l'impression qu'il joue vraiment, quoi. La différence qu'il y a entre David et moi, c'est que lui, il sait en jouer, quoi. D'accord. David, oui, c'est un accordéoniste. Bah, toi aussi, moi j'ai eu l'occasion de te voir. C'est pas le même niveau. Peut-être pas le même niveau. Mais je joue comme j'ai besoin de jouer, en fait, c'est ça le truc. D'accord. Après, j'ai pas voulu approfondir, mais bon, c'est parce que j'étais un peu feignant. Non, mais la symbiose entre les deux est très. Mais très très bien. C'est, merci Mika. C'est le premier compliment qu'il fait depuis qu'il a intégré le groupe. Bah oui, mais je suis payé ce soir. Donc... Non, David c'est un énergumène et puis Loïc aussi. Enfin, à tous les deux, c'est comme il disait, c'est vraiment la base des Oreilles qui saignent et nous on vient vraiment agrémenter le truc. Mais non, la base c'est les deux accordéons et le chant. Ça c'est indéniable. Voilà, le chant, et puis en plus les morceaux en français, moi j'ai assisté à un de vos concerts, hein, donc j'espère que j'en verrai d'autres très prochainement, parce que c'était vraiment un plaisir, et y a les gens qui connaissent toutes les chansons, qui chantent avec vous, donc c'est quelque chose de bien, quand vous voyez que les gens reconnaissent les morceaux et qu'ils les reprennent avec vous, pour vous c'est le but du jeu. Quelle osmose avec le public, en fait c'est un des grands points qui est important des Oreilles qui saignent, il faut qu'il y ait cette osmose avec le public, donc c'est pour ça qu'on fait de la chanson connue, qu'on refait à notre sauce pour les rendre plus un peu plus festives, un peu plus punchy, on va dire, et puis que ça emmène un peu tout le monde. Donc quand ça, le public marche pas avec nous, c'est qu'il y a problème. Ouais, c'est vrai que il y a des concerts auxquels on assiste, voilà, on écoute parce que bon, c'est des compos ou alors c'est des morceaux qu'on connaît un peu moins, on les écoute et puis voilà, on applaudit à la fin. Vous non, vous ce que vous voulez c'est faire participer le public, c'est vraiment le but quoi. C'est vraiment la musique pour la fête. C'est ça. Très bien. Donc au fur et à mesure on évolue. Alors depuis le son des blés qui avait eu lieu, c'était quand? C'était au mois de septembre. hein, c'est ça, non, non c'était en, Ah non, c'était au juillet. Mois de juillet, juillet. Voilà. C'était au mois de juillet parce que c'est l'année prochaine que ça sera en septembre, c'est ça, non? Je sais pas trop. Ouais, pas j'ai l'impression. Sur le... Oui, oui, oui. D'ailleurs, ouais, si, si, moi je m'en souviens, je crois que c'est le 2 septembre. Et bah, ça tombe en même temps que les casseroles. Ça va être compliqué parce qu'il y aura deux bons festivals que j'aime bien, auxquels j'aime bien assister. Et là, ça sera les deux en même temps. Donc, bon, c'est comme ça. On peut pas être partout non plus. Hein. Mais donc, et puis, à cette occasion-là, quand il y avait le son des blés, donc, auquel vous avez participé, il y avait d'autres artistes aussi. Il y avait Jesus Whiskey. Mmh. Il y avait qui d'autre, vous vous souvenez? Là, sur le coup. Pas, je ne les ai pas en tête. Bah, on va les retrouver, ce n'est pas un souci. On va les retrouver. Jesus Whiskey, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et voilà. Il y en a d'autres que j'aime et je ne retrouve pas le nom tout de suite. Mais bon, ça va me revenir. Voilà, en tout cas, c'était bien organisé. C'est bien sympathique. Ouais. Et puis. Les gens étaient vraiment là et puis on passe des très bons moments. Donc c'était au mois de juillet et depuis vous avez fait d'autres concerts, non? Depuis on a fait quoi? Je crois qu'on a fait le Festivalet juste derrière. C'est un festival sur Brière des CD dans le 91. On a fait un sur Bourges, un concert privé, des gens qui nous ont appelés, étonnamment. Ça se fait de plus en plus, ça, voilà. Effectivement. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a fait un certain Halloween à Jeanville. Ah là là, oui. Ah oui, à Jeanville. Alors, Jeanville en Beauce, oui. Du côté, dans le 28, un peu plus bas, là, en allant sur Paris. Ils organisent une grosse organisation Halloween où ça rassemble 400 personnes, au moins 400-500 personnes, un truc de dingue. Et donc on fait toujours une partie musicale pour les organisateurs. Donc on avait notre formation un peu restreinte parce que la scène était restreinte de quelques mètres carrés. Nous étions disponibles pour jouer. Donc on a fait un truc à notre sauce. C'était sympa, on a rigolé. Et voilà, donc on a des trucs comme ça qui tombent. Et puis pour l'année 2023, on a plus de concerts, un peu plus de concerts que l'année dernière. Vous avez quelques dates déjà? Oui, on a quelques dates. Il ne faut pas hésiter justement à le dire pour que les gens qui ont envie d'aller vous voir. Bah déjà, il y a au mois de juin, c'est très chargé. Donc le mois de juin, on a le 10 juin, il y a le Festi Alliance à Rouvray-Saint-Denis. Donc c'est une grosse un festoche avec une grosse scène et puis plusieurs groupes qui jouent, dont nous. Le 17 juin, il y a la fête de la musique à Spuy, dans le village où habite Mika. Donc l'organisateur, c'est Mika. On monte une scène et on améliore un petit peu la partie musicale. On a quoi comme autre date? Il y en a, mais... Il y a la semaine d'après aussi, il y avait un truc la semaine d'après, je crois, le 24. Mais le 24, il y a, c'est pas les oreilles qui saignent qui vont jouer, c'est... Il y a un truc à Guillerval dans le 91, ça sera les 12-30. C'est l'autre guitariste du groupe qui, avec son autre groupe qui va prendre les commandes du truc. Et puis voilà, après je sais plus, de tête, il y en a d'autres. Le planning il n'est pas encore vraiment établi parce que j'essaye de caler un maximum de dates là en ce moment pour développer le groupe cette année en fait. J'aimerais que ça soit un peu une année tremplin pour nous, qu'on arrive à... Oui, parce qu'après le Covid, vous avez envie de que ça reparte, quoi. Ouais, bah puis la sonorisation de notre groupe, elle est assurée par mon association Concept Music en fait. Et donc Concept Music, l'association, elle fait de l'animation en tout genre, donc de mariage et autres. Mais elle sonorise et puis elle produit les oreilles qui saignent par des démarches commerciales. Donc en fait, j'essaye au maximum cette année de réserver mes dates pour le groupe pour qu'on puisse évoluer, qu'on puisse se faire connaître un peu sur d'autres endroits. Donc si des fois, on ne sait jamais, dans les auditeurs, il y a des gens qui, cherchent. Voilà, donc il faut me contacter sur ma page Facebook Concept Music. C'est moi qui reprends après le relais sur le groupe Les Oreilles qui saignent. D'accord. Et association Concept Musique. Ouais. Voilà, et puis bien. J'essaie de... Donc on sonorise, on est autonome. On est sonorisé, éclairé, donc on est en toute autonomie. Pour les organisateurs qui veulent pas se prendre le chou. Donc on vient, on monte le son, la lumière, et puis on sait faire, quoi. D'accord, bah voilà. C'est une bonne chose à savoir parce qu'il y a beaucoup d'artistes des fois qui cherchent c'est une association, mais ils cherchent des gens qui peuvent les aider pour faire leurs événements, donc c'est l'occasion. Alors Concept Music, c'est ça? Très bien. Une petite association. Voilà, on reste. Alors dans l'événementiel, on reste à petite échelle, mais c'est très, tout complètement volontaire. J'essaye d'être à des échelles où les gens, pour des groupes amateurs. Alors je fais quelques groupes pro. Tu me demandes, mais c'est pas la majorité. Je préfère travailler avec des groupes amateurs qui n'ont pas de sonorisateurs, qui cherchent à des prix très raisonnables pouvoir se produire, pouvoir développer leur savoir-faire. En fait, c'est un peu l'idée de Concept Music. C'est aller développer et puis jouer dans des petites communes. Mmh. J'ai rien contre les grandes villes, hein, au contraire. Mais je trouve ça plus valorisant pour moi d'aller faire un concert dans un village de 300 habitants où il y a zéro moyen, parce que de toute façon, si on le fait pas de notre plein gré, si on le fait pas de nous-mêmes, il se passera jamais rien. Donc je vais valoriser toutes ces petites communes de campagne où c'est en train de devenir dortoir, et je pense qu'il faut changer un peu la donne là-dessus. Et puis on sait faire, donc on fait, voilà. Donc par exemple, Spuy, petite commune de 400 personnes, on arrive là, Michael a mis en place il y a plusieurs années la fête de la musique. Aujourd'hui, on a presque 200 personnes qui viennent, et puis on va essayer de grossir un peu. Et puis bah oui, qu'on prenne un peu de place dans le monde d'artistique, et qu'on le développe sur les petits villages. Très bien. Voilà. Ça fait plaisir. Moi, des fois, quand je vais dans des petits villages, alors on voit des fois en ville, on a du mal à voir du monde. Et on voit dans les petits villages, on se dit, c'est plein. Comment ça se fait? C'est-à-dire que la moitié du village est là. En fait, on arrive à amener une autre ambiance, une autre, un contexte. Il y a un contexte, il y a quelque chose en plus qu'il y a, et puis une simplicité. Parce qu'il y a pas, ils n'ont pas les moyens de mettre en place une organisation de ouf. Donc en fait, ça reste très simple. Mais du coup, les gens, j'ai remarqué qu'ils aiment bien la simplicité. Oui, il y a le côté convivial, il y a le côté humain. Voilà, c'est nous, on est à proximité de la région parisienne, donc ça c'est sur l'autre côté sur Paris, ils connaissent pas du tout cette convivialité, ce genre de choses. Et tous les gens qui viennent aujourd'hui vivre chez nous, enfin par chez nous, c'est des gens qui viennent de la région parisienne pour 80%. Ils achètent des maisons chez nous, et puis voilà. Et donc, ils découvrent une autre façon de vivre, en fait. Mmh. Où tout le monde se connaît, tout le monde se retrouve autour sur une place, voilà, avec trois tables, machin, et puis ça discute, et puis. Une saucisse, une frite, et puis. Voilà, puis, une bonne bière. Le côté qu'on aime bien, nous. Voilà. Convivial, le côté, qu'on a tendance à perdre de plus en plus. Donc, ce qu'on peut dire, c'est Paris, Londres, Tokyo, New York. Ils peuvent attendre, vous n'êtes pas prêts encore pour ça. Ils ont des leçons à prendre. Puis je pense qu'on n'a pas vraiment notre place finalement. Paris, on a été joué sur une péniche. On a fait un concert l'année dernière sur une péniche pour une entreprise, pour un comité d'entreprise qui invitait ses collaborateurs, et on a fait un concert sur une péniche à Paris. Ouais, c'était sympa. Bon, après. Bizarrement, donc des gens qui étaient parisiens, qui étaient vraiment ancrés là-bas, qui nous ont découvert. Alors, c'est pareil, ça a accroché parce que c'était pas l'habitude, quoi. Enfin, on était un peu au début, ils nous regardaient un peu avec des grands yeux, puis après, finalement, ils se sont aperçus qu'on était cool, tranquille, pas de prise de tête, la musique comme ils avaient pas l'habitude de l'entendre. Et puis finalement, tout le monde se décoince, et puis ça passe, quoi. Le concert devient festif, quoi. Très bien, c'est bien de le savoir. Hein. Et justement, donc, il y a Concept Music. Est-ce que vous avez aussi des pages Facebook pour les oreilles qui saignent, un site Une page Facebook. Il y a le site Concept Music Internet qui a été créé il y a pas longtemps. D'accord. Alors un site où on peut trouver toutes les animations que je propose au sein de Concept Music. Donc autre que pas forcément musical, hein, magicien et tout. Il y a aussi le site, il propose aussi du matériel de location pour les personnes qui n'ont pas trop de moyens pour faire des soirées. Ils peuvent louer du matériel, c'est un peu moins cher que de prendre un DJ, et puis voilà. Oui, c'est sûr, des gens qui peuvent se débrouiller, et puis peut-être des événements plus petits. Des événements maison, plus des petits. Ma clientèle, c'est. Oui, ils cherchent, en fait, là, c'est toujours. C'est, on est toujours dans le même esprit, en fait. Ils savent que c'est la simplicité. On s'adapte, on est association, on s'adapte au budget que les gens ont besoin de mettre. Des jeunes, c'est souvent des jeunes qui viennent me voir, ils font leurs 18 ans, notre pote. Ouais. Il leur faut une enceinte, un micro, une table de mixage, puis ils n'ont pas de thunes. Bon, alors donc, on essaye de trouver la solution pour qu'ils aient une vraie soirée, en fait, avec pas grand-chose. Ça, et puis après, on a la page Facebook Concept Music où je relaye systématiquement Tout ce qu'on fait, et puis la page des oreilles qui saignent, la page Facebook des oreilles qui saignent aussi. Donc tout ça, ça fait un lien, tout est relayé, repartagé, machin, et puis voilà, et puis dans la région là-bas, on a Concept Musique a quand même, c'est quand même connu un petit peu, enfin moi je suis un peu sur tous les fronts, donc on arrive à avoir une partie de communication importante qui fait son effet quoi, sur les réseaux, ça passe. Très bien, bah c'est super, tu vois, j'apprends des choses. Moi, j'aime bien venir dans l'émission, c'est justement donner la parole aux personnes, parce que en même temps, j'apprends des choses, et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ce que tu nous as annoncé là. Ce que je propose, c'est qu'on écoute, on avait il y a le téléphone qui sonne. Attends, je vais répondre, non? Je vais répondre. Mais j'ai ce qu'on j'écoute. David, c'est ta femme, je crois. Non, il n'est pas là, il n'est pas dans l'émission. Donc, ce que je vais faire, je vais passer un morceau, on va écouter un autre morceau des oreilles qui saignent, qui s'appelle Manu, donc c'est un morceau de Renaud. Et puis, on se retrouve juste après. Ok. C'est même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. J'oubliais tes tatouages et ta lame de couteau. C'est surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Elle déconne pas ma lune, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est des copains qui reviennent. On était tous maqués quand toi t'étais tout seul. Tu disais je me fais chier, je voudrais sauver ma gueule. T'as croisé cette nana qui était faite pour personne. T'as dit elle est pour moi, ou alors y'a pas le don. T'as été un peu vite pour tatouer son prénom à l'endroit où palpite ton grand cœur de grand con. Elle déconne pas Manu, c'est à moi qui fait de la peine. Une gonzette perdue, c'est les copains qui reviennent. Je vais te dire, on est des loups. On est fait pour vivre en bande, mais surtout pas en couple, ou alors pas longtemps. Nous autres, ça fait un bail qu'on a largué nos titres. Toi, t'es toujours en rade avec la tienne et tu vis. Et Manu, vivre libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait peut-être mal au vide, mais c'est bon pour la gueule. Elle déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse perdue, c'est des copains qui reviennent. Elle est plus amoureuse, Manu, faut que tu t'arraches. Elle peut pas être heureuse dans les bras d'un apache. Quand tu lui dis je t'aime, si elle te demande du feu, si elle a la migraine, dès qu'elle est dans ton fion, dis-lui t'es désolé, t'as dû le courir le trottoir. Quand tu l'as rencontrée, t'as dû tromper l'histoire. Mais déconne pas, Manu, va pas te tailler des veines. Une gonzesse perdue, c'est des copains qui reviennent. Elle déconne pas, Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse perdue, c'est des copains qui reviennent. Elle déconne pas, Manu, c'est à moi qui fais de la peine. Une gonzesse perdue, c'est des copains qui reviennent. Elle déconne pas, Manu, allez. Déconne pas, Manu, allez. Allez, viens. Voilà, une superbe chanson, Manu, Renaud. repris par par le groupe Les Oreilles qui saignent, qui sont nos invités de cette émission numéro 540. Voilà, un numéro tout juste. Moi, j'aime bien quand c'est plus facile à retenir, parce que des fois, quand c'est 538 ou des trucs comme ça, je sais plus où on en est. 540, voilà, c'est la 540e émission de radio de Mavrica sur Radio Arc-en-Ciel, voilà. Et ça fait 12 ans qu'on fait cette émission, bientôt 13 ans, donc au mois de juin. Et donc, la 540e est attribuée, donc, aux oreilles qui saignent, les oreilles qui saignent. Donc Manu, bon, c'est une très belle chanson. Renaud, moi je sais que à chaque fois que j'écoute, j'ai un peu les frissons. Cette chanson-là, elle m'a toujours beaucoup plu, et ça faisait un petit moment que je l'avais pas entendue. Donc là, à nouveau, voilà, un très bon moment dans l'émission Mavrica. Et pendant qu'on écoutait de la musique, il y a aussi quelqu'un qui nous a appelé. Donc on l'a entendu tard appeler, on a entendu la sonnerie, et on va essayer de le retrouver sur l'antenne. Allô. Allô. Donc, un auditeur qui nous a appelé tout à l'heure, tu veux te présenter? Comment tu t'appelles? Je voulais dire que les jeunes qui sont avec vous, là, ils font trop de bruit, hein, ils font de la musique de jeunes, j'aime pas ça. Ah, oh, c'est encore un vieux, c'est pas vrai. C'est le vieux du 8e, là. Oh putain, je vois bien. C'est pas vrai. c'est lui. Comment ça va, David? Ben écoute, ça va bien, et vous, les jeunes? Ben écoute, tu vois, regarde, et tant qu'on est là, c'est que ça va. Et n'empêche que, est-ce que tu imagines que pour te parler, j'ai oublié de téléphoner à la radio pour savoir? J'ai dit tout à l'heure, il faut que je le rappelle. Il m'a appelé, il faut que je le rappelle. Ouais, et j'en suis là. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Il doit me maudire, mais il faut que je le rappelle quand même. Ah bah oui, hein, mais c'est la police, hein, quand même. Oh là là. Et justement, on avait parlé de toi tout à l'heure, et puis on s'est dit, tiens, David, lui, ça commence à faire un petit moment que t'es pas venu dans l'émission, sachant que tu étais venu avec Jamie il y a pas très longtemps. Hein. Bon, ça fait quand même quelques mois. Hein, le temps passe très vite. C'était avec Angeline aussi, ouais, tout à fait. Ouais, c'est au mois d'octobre, je crois, septembre-octobre. Ouais, le temps passe très vite. Hein. Ouais. Et puis là, j'avais un peu prévu de vous faire la surprise de passer, mais... comme j'expliquais hors antenne, j'ai un scénario d'émission à rendre demain et j'en ai même pas fait la moitié, donc t'es en plein boulot, quoi. Mmh. Et ouais, et puis ça, puis moi je fais pas mal d'enregistrements aussi, donc je suis assez pris, ce qui fait que j'essaye de gagner un peu de temps parce que malheureusement je suis pas à la retraite. Et ah bah t'es pas prêt d'y être, hein. Bah non. je plaisante, mais en réalité je sais pas exactement. Mais c'est vrai que bon, comme ils veulent nous mettre 2 ans de plus à tout le monde, donc bon, mais ça va être un peu compliqué. Normalement, si j'avais été raisonnable et travaillé normalement comme tout le monde, je devrais y être aujourd'hui. D'accord. Mais voilà, c'est ce que c'est que la vie d'artiste. Ouais, mais les aléas de la vie aussi, hein. C'est pas toujours, c'est pas toujours nous qui décidons. Voilà. Donc aujourd'hui, je continue à travailler et puis je vais à côté, je fais mes petits trucs, mes petites occupations artistiques, comme on va dire. Mmh. Et puis voilà. Et puis surtout, j'ai l'occasion de rencontrer des zouzous de temps en temps et les zouzous qui sont sur ton plateau là, je les aime bien quand je les vois. Hein, et puis quand ils me rappellent surtout. Pile. Et en plus, moi je le savais que tu devais passer. On voulait leur faire la surprise et malheureusement, bon, t'es pas disponible. Mais bon, le fait que tu interviennes dans l'émission déjà, ça nous fait discuter un petit peu. Et c'est vrai que c'est grâce à toi que j'ai découvert les oreilles qui saignent. Hein, je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission. Hein. Grâce à la bouteille de rhum. voilà, parce qu'ils ont repris cette fameuse chanson. Mmh. Et ils l'ont bien repris d'ailleurs. Hein. Puis ça me fait plaisir. Moi, de temps en temps, je l'avoue, j'espère qu'ils n'écoutent pas. Mais non, écoute pas. On est entre hommes. Tu vas regarder le clip qu'ils ont fait, là, dans une boîte, ou je sais plus où, là, que vous avez fait ça. Dans VNB, ouais. Et puis j'aime bien en fait cette version-là. Avec l'accordéon. C'est vrai que ça va tout à fait avec ce style-là. Ouais. C'est un peu différent de ce que je fais, mais j'aime bien. Donc, puis ça fait plaisir d'avoir des copains qui interprètent des chansons que j'ai écrites, quoi. Mmh. Ah bah oui, c'est sûr. Mais alors, je sais pas où sont les. Bah tiens, je vais leur poser la question en direct parce que la dernière fois, j'avais mis une chanson et puis tout de suite, Loïc m'a dit je veux cette chanson, est-ce que ça te dérange si on la reprend et tout ça, envoie-moi les accords et tout ça. Ouais. J'ai envoyé les accords Eh ben, on ne l'a encore pas travaillé, parce que l'accordéoniste est très feignant, figure-toi. Et du coup, on ne l'a encore pas travaillé. Les nouvelles chansons, et en fait, on est en train d'en mettre en place pour 2023. On va organiser un nouveau programme, un peu une nouvelle programmation, et on les prend un peu à la suite, et il faut que... On essaye d'organiser les répètes, et puis voilà, donc celle-là elle va faire partie des prochaines, mais elle n'a encore pas été mise dans la course pour l'instant. Mais ça va pas tarder, David. Ouais, parce que je suis curieux de savoir comment vous allez la faire, donc c'est pour ça que... Ouais. J'ai récupéré les accords et je leur en ai parlé, mais après il faut qu'on les prend au fur et à mesure, et puis on les travaille, donc ça va se faire. Ça va le faire, alors. Ouais, ça va le faire. On te fera écouter le projet. Le nom de ton émission. Ouais, mon ex-émission. Ouais. Non, sinon, écoutez, moi, je vois un petit peu ce que vous faites. Hein, de temps en temps, c'est bien, les garçons. Vous travaillez, c'est bien, vous tournez. J'ai vu que vous étiez la semaine dernière chez l'ami Michel. Oui, ouais. Hein? Vague FM, ouais. Bon, on partit, c'était pas trop les oreilles qui saignent. C'était plus une partie musette... accordéon, quoi. Ouais. On était plus dans un répertoire musette, ouais. Mais bon, on avait le batteur et puis Alain au piano, et puis enfin à l'accordéon aussi, et puis David et moi au chant. Donc on essaye aussi de se diversifier un petit peu. C'est vrai que là en ce moment on a repris, il y a peut-être certains auditeurs qui connaissent, mais on a repris un petit peu l'activité professionnelle de Philippe Chevreau. Philippe Chevreau, c'est un animateur, un guitariste, un chanteur-guitariste qui tournait beaucoup dans les hôpitaux, les EHPAD et puis toutes ces structures-là, en fait, et il a quitté la région. Et pour pallier à son manque de présence, on a remis, nous, en place un répertoire, en fait, adapté à ces établissements. Et donc, on essaye d'aller faire plaisir à nos aînés dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, dans les foyers handicapés, où là, on va présenter des choses un peu différentes de ce qu'on fait avec les oreilles qui saignent. Mais enfin, c'était... Si les oreilles qui saignent, ils avaient existé il y a une cinquantaine d'années, on aurait certainement fait la même chose avec ces chansons-là, quoi. C'est les oreilles qui saignent d'avant, quoi. Voilà, ouais. Donc on est un petit peu sur d'autres projets aussi, mais bon, ça fonctionne bien, et puis toujours dans l'esprit de faire d'amuser les gens, de faire plaisir, voilà. On garde notre ligne de conduite. Ah ben, c'est super, c'est une bonne idée. De toute façon, déjà, je sais que les gens vous apprécient à chaque fois que je vous vois, ou à chaque fois que j'ai l'occasion de partager un petit bout de scène avec vous, à chaque fois je vois qu'il y a du plaisir dans la salle, et ça c'est le principal. Oui, parfait. Là, pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent retrouver David McLean, donc David McLean, il fera certainement un bout du concert avec nous le 10 juin sur le Festival Alliance de Rouvray, donc sur la grosse scène. Et puis, il animera le repas du dimanche midi. C'est un gros événement. Il y a plein de trucs. Enfin, vous pouvez. Le dimanche avec Jimmy, ça va swinguer pendant le repas. Et ça va être génial. Enfin, il y a plein d'animations, plein de choses qui vont se passer, plein de surprises. C'est sur deux jours. Voilà. Effectivement, j'aurai le plaisir de partager quelques chansons avec vous. Et ça me fait bien plaisir. Le samedi sur la grosse scène du festival, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plein de monde qui écoute, hein, devant les niveaux d'auditeurs, moi j'ai une proposition à vous faire. On t'écoute. J'aimerais qu'on fasse un concert, mais un concert, pas deux, trois chansons, un concert ensemble, David McLean et les oreilles qui saignent. Ouais. Bon, c'est oui tout de suite. Écoute. Donc voilà, moi. C'est oui tout de suite. Je demande tout de suite au dirigeant de Concept Musique s'il est d'accord pour faire le parti son. Et là, il me répond que c'est bon, David, pas de problème. Donc, son et lumière sera assuré aussi par Concept Musique. Incroyable. Donc tu vois comme quoi les choses vont bien. Ouais. Non, mais il n'y a pas de problème, David, au contraire. Ah bah, c'est un honneur. Ça peut être même. L'esprit me plaît. Tu sais ce que je pense de tes chansons, de toute façon. Les chansons de McLean, moi, pour moi, c'est un esprit, c'est un peu Soldat Louis, c'est un mélange de, enfin, c'est nickel. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup, donc après, voilà. Alors, je sais pas, je veux pas me gonfler, hein, mais de plus en plus, on me dit que mes chansons ressemblent aux chansons de Renaud. Il y a pas très longtemps, il y a un monsieur qui est venu me voir, il me dit. Vos chansons, c'est le Renault actuel. Oui. Merci, en fait, Renault, il a eu un moment dans sa carrière où quand il y a eu séparation avec sa femme, il est parti sur des répertoires beaucoup plus amoureux, beaucoup plus moins rebelle en fait. Et toi, David, c'est vrai qu'il y a cette partie là où tu fais des chansons pour Jamie, et c'est cette partie-là qui est similaire, oui, c'est vrai, avec celle de Renaud. Et le David McLean d'avant, c'était plus des chants de marins, la bouteille de rhum, truc, et en fait, on retrouve une similitude avec Renaud actuellement, qui est plus le rebelle qu'il était, mais qui a toujours le texte, en fait. Mais musicalement et dans les paroles, ça reste du McLean quand même. C'est signé quoi, la signature, tu me donnes le texte, tu fais écouter la musique. Moi je pense même que Renaud s'est peut-être un peu inspiré de David McLean. Moi je pense qu'il a dû y piquer des chansons. Ouais. Ça s'est fait, apparemment il y en aurait une qu'il aurait piqué à David. Mais ça c'est pas trop. Il y en a une, on dira pas laquelle, mais. On n'a pas médiatisé le truc, mais il y en a une, ça doit être celle-là, ouais, je pense. Je pense qu'il l'a complètement copié. Hein. Ça c'est sûr. Oh, le Non, en plus, c'est lui qui touche les droits, bordel. Ça, c'est sûr. Écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps. Ça me fait plaisir de vous avoir. C'est dommage que je puisse pas venir vous voir, mais je vous dis, là, j'ai eu vraiment beaucoup de boulot. Et puis, c'est vraiment là pour se remettre au lendemain. Et ben voilà, c'est demain, toi. Et il faut vraiment que je bosse. Mmh. Je vous fais à tous une grosse bise. Et puis Albino, je viendrai te voir un petit quart. Oui, n'hésite pas, tu connais la maison, tu sais où on habite, donc il n'y a pas de souci, tu viens tous les vendredis soirs à partir de 19h, moi je suis là jusqu'à 22h, et c'est vrai que c'est rare les vendredis où je ne suis pas là, à chaque fois il y a toujours de l'activité, il y a toujours des artistes qui veulent venir, et donc tout à l'heure j'ai présenté un peu tous les gens qui vont venir dans les prochains mois, jusqu'au mois de mai. Alors pour l'instant, si vous voulez me contacter, vous voulez venir dans l'émission, je vais pas pouvoir vous caler pour l'instant parce qu'au mois de mai, le studio va être arrêté pendant un certain temps. Je sais pas. Donc dès que j'ai les dates, je vous le redirai. Vous pouvez toujours, je vous mettrai sur une liste d'attente. Mais au mois de mai, je programme personne parce que les studios seront arrêtés. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un nouveau studio, tout simplement. Donc nouvelles consoles, nouvelles écoutes. On aura vraiment un studio tout neuf sur Radio Arc-en-Ciel. Et donc il faudra le temps de l'installer. Donc pendant une ou deux semaines, peut-être il n'y aura pas d'émission Mavrica. Donc c'est pour ça que j'attends, mais sinon, en tout cas, je remercie tous les artistes qui me font confiance et qui viennent avec beaucoup de plaisir dans l'émission. Souvent, quand ils viennent, ils reviennent à nouveau, c'est que quelque part, on les a pas maltraités. on a jamais maltraité un artiste dans l'émission, ou si ? Non, non, non. Si, si, non, non. Si, si. Il y a des artistes qui nous ont maltraités, mais... Oui, mais ça fait partie du jeu aussi. Hein. Mais c'est vrai que, moi, des fois, je dis souvent, on est à 540 émissions. On a invité combien ? Allez, 400 projets différents. Il y en a que deux qui ont oublié de venir. Hein. Donc si on regarde bien, mais c'est arrivé quand même. Hein. Ça arrive. Hein. Je pense que ça doit arriver à Michel Drucker, ça doit arriver à tous les grands, ceux qui reçoivent des artistes. Il y en a certains qui au dernier moment viennent pas. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est arrivé que deux fois dans l'émission Mavrica, ce qui veut dire quand même que que l'émission a un intérêt certain pour les artistes, et sachant que les artistes, nous on s'intéresse aussi aux artistes, hein. Voilà, c'est donnant-donnant, hein. C'est grâce aux artistes qu'on fait des bonnes émissions. Bah oui. C'est le cas ce soir. Bon, ok, donc David, merci d'avoir pris la peine pendant ta pause, parce que là tu vas retourner au boulot, nous appeler pour nous faire un petit coucou, et puis pour parler avec les oreilles qui saignent, un groupe que tu connais bien. Voilà. Ouais, c'est des bons petits gars. Ça, c'est des bons petits gars. Ok, je confirme. Merci David, et puis au plaisir. Hein. Salut à tous. Allez, bon courage. Kenavo, comme on dirait l'autre. Yes, Kenavo. Voilà, Kenavo. Là, on parle même le breton dans l'émission Mavrica. Allez, salut David, à très bientôt. Ciao. Voilà, donc c'est David, ça nous fait plaisir d'entendre quand même sa voix. On avait prévu qu'il vienne. C'était une surprise. On aime bien faire les surprises. Hein. Quand on a reçu les brunettes, il y a aussi le chanteur guitariste des Yeti qui était passé. Faire une petite surprise, c'est-à-dire qu'on commence avec les artistes. Et puis il y a un autre artiste qui défilent dans l'émission. Et bon, on aime bien ça, mais ce soir, ça a été fait, mais par téléphone, voilà. Donc notre ami David qui travaille ce soir et qui n'a pas pu passer dans l'émission mais qui nous fait un petit coucou, voilà, et qui revient dans l'émission quand il veut. On a beaucoup papoté, on va peut-être envoyer un petit peu de musique parce Allez. Que finalement on est déjà pile poil au milieu de l'émission. Le temps passe très vite et on a encore plein de choses à diffuser et on va encore diffuser un maximum de morceaux de des oreilles qui saignent et puis après on va commencer à préparer aussi les instruments parce qu'il y a du live ce soir. Ah merde. Yes. Donc je propose qu'on écoute un morceau. Tout à l'heure on a parlé de des reprises, donc Gainsbourg, Eddie Mitchell, Renaud, et cette fois-ci on avait aussi tout à l'heure parlé de téléphone et on va peut-être aller à New York cette fois-ci. Allez. Donc vous allez faire peut-être un concert à New York très bientôt. Ouais, c'est prévu en 2049. 2079. Ouais. Voilà. Le 32 mai, c'est ça. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. 32 mai 2079. Voilà, le rendez-vous est pris et on écoute tout de suite New York, le groupe téléphone, repris par Les Oreilles qui saignent. Si pourrait bien jusqu'au Mexique. Par de la tequila, elle me commande un Marco. Et j'ai encore en main cet état à la douée. Me montre mon tracteur et le champagne de mes bouquins. Un bel portefeuille des Manu Chao. Si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, parti en vacances, au moins jusqu'à Pâques. Mais j'ai pas le chapeau comme Manu Chao. Comme on papote beaucoup, et ben on a envoyé deux morceaux à la suite, deux morceaux interprétés par Les Oreilles qui saignent. Donc on écoutait New York, et puis juste à l'instant, c'est Manu Chao. Voilà, deux morceaux que les Oreilles qui saignent, qui sont nos invités ce soir dans l'émission numéro 540, reprennent habituellement. Voilà. Là, pendant ce temps-là, ben, nous, on a profité aussi pour se mettre en place, pour qu'il y ait des interprétations en direct live. Donc là, le groupe n'est pas au complet. Il y a Mika, Loïc et David qui sont là. Et aujourd'hui, ils vont représenter en mode restreint le groupe Les Oreilles qui saignent. Voilà. Vous voulez interpréter un morceau tout de suite ? Oh, allez, on est des fous. Voilà, voilà. On va faire le morceau de David McLean, justement. D'accord. Le téléphone est là, il s'appelle La Beauté des Rangs. Voilà. Donc là, il y a un micro supplémentaire, c'est pour ça que je viens de l'allumer. Donc il y en a un pour ta voix, un pour l'accordéon, un autre pour l'autre accordéon et l'autre pour la guitare. Donc voilà, normalement, en principe, avec ça, on devrait réussir à faire quelque chose de bien. À partir du moment où j'arriverai à les régler bien comme il faut. On va y arriver, on y arrive toujours. Mais si le son est mauvais, ça vient pas des micros, ça vient de nous. Non, ça. Des fois, ça fait des fausses notes quand même. Ouais, mais bon, ça fait partie du live. Vous êtes plus un groupe de live ou un groupe de studio? De live. Je crois que c'est une question que j'aurais pas dû poser parce que je m'en doutais. C'est la scène. Ah oui. Voilà, donc je baisse la petite musique de fond et vous allez nous interpréter quel morceau? Bah, la bouteille. Ah ouais, la bouteille de rhum de David McLean. Voilà. Un petit taillage de costard au grand géant de ce monde qui nous pollue un peu nos mers et puis. Surtout là, c'était un hommage qui était rendu pendant le naufrage de l'Erika. Donc sur les côtes bretonnes, tout était pollué. Et puis voilà, on a un petit peu laissé faire les choses quand même. Oui, on a laissé faire les choses. Et à côté de ça, aujourd'hui, on nous restreint, nous, comme si on était gros pollueurs. Alors que bon, simplement parce qu'une petite voiture, et puis voilà, ça y est. Ouais, mais quand on s'appelle Total, on a peut-être le droit de plus de choses. c'est ça. Enfin, en tout cas, cette chanson, elle est pas mal. Et puis, elle est bien écrite. Et puis, elle me plaît beaucoup. Moi aussi. On a la haine sévère, pas de pitié, faut pas rester comme ça. Faudrait qu'ils souffrent, qu'ils implorent père et mère. En attendant, tous ensemble, on se fera une bouteille de rhum et un pack de bière. Une bouteille de rhum et un pack à tabac. Y'a rien qui arrête l'audace de ces gens-là. Ils n'hésitent pas, ils vendraient même leur mère, leur père, leur frère, même au cours le plus bas. Et nous, on s'en va à l'autre bout de la terre. Si on y pense, promis, on écrira. On a chargé à bord nos petites affaires. Si quelque chose manque, on en trouvera là-bas. On enverra un peu d'eau de la mer. Elle est très propre, pour vous ça changera. En attendant, pour vous, on lève nos verres. À votre santé, bien à vous, les petits gars. Une bouteille de rhum et un pack de bière. Une bouteille de rhum et un paquet de tabac. Une bouteille de rhum et un pack de bière. Une bouteille de rhum et un paquet de tabac. De bière, une bouteille de rhum et un paquet de tabac. Une bouteille de rhum et un pack de bière. Une bouteille de rhum et un paquet de tabac. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Les Oreilles qui saignent, qui viennent d'interpréter un morceau de monsieur David McLean qui s'appelle La bouteille de rhum. Donc, merci David. Merci David. Ça, voilà, un super morceau et super interprétation. Hein, là, franchement, alors les accordions, qu'est-ce qu'ils envoient? Je vais vous dire que je suis obligé dans la salle, et effectivement, j'ai un petit peu du mal à avoir la guitare, parce que finalement, avec le micro de la guitare, j'arrive à avoir les accordions. Donc, c'est vrai que c'est un instrument qui envoie beaucoup. Et on est dans un petit studio, donc un local fermé. Mais bon. Mais il faut se reculer, ceci dit. Tu te recules un petit peu, David, voilà, ça sera bien. Voilà, mais. Excuse-moi, il est tenu par. Non, mais j'ai l'habitude. Alors, il joue avec un casque. Je suis reclus, de toute façon, on me fout dans un coin. Même non, non, comme non, ça. Non, mais c'est même le micro de la guitare qui capte même les accordéons. Oui. Donc, voilà, c'est. On essaie de faire au mieux. Hein. Je pense que ça va quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Sachant que c'est en direct, il n'y a pas de filet. Voilà, nous, on joue vraiment. On ne triche pas. Il n'y a pas de vocodeur, il n'y a pas de trucs électroniques, rien du tout. C'est que de la musique acoustique, on va dire ça comme ça. Très bien, en tout cas, premier morceau interprété en direct live. On n'a qu'une envie, c'est d'en écouter un autre. Allez, on va faire maintenant une chanson qui a été écrite et composée par notre ami David ici présent. Donc, pas David McLean, mais David Cornelis, notre accordéoniste, qui s'appelle Bon Vent, les gars, qui a été aussi le titre de notre premier album qu'on a enregistré voilà, il y a quelques temps. C'est une chanson, ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça. À l'église, les cierges vont brûler, les vieilles ont la voix déchirée. Tous les jours, elles vont prier pour vous rester en bonne santé. Les femmes agitent les mouchoirs au moment du grand départ. Les vieux frottent leurs yeux mouillés, peut-être bien que vous les reverrez jamais. Le monde merveilleux, escorté par les fruits des mouettes, partez dans un voyage périlleux, puissant vers la conquête. Des vagues vous emporteront vers vos espoirs les plus beaux, et les vents vous pousseront vers vos lointains rêves de marmots. Soifé de liberté ou avide d'aventure intense, comme celle que vous nous racontez, les vieux pirates de votre enfance. La mer est tellement immense, suffisante à parcourir. Votre espoir, votre confiance vous aideront à réussir. Sur la mer des montées chavirent, mon ratio qui lance ses craques, la tête pleine de souvenirs. Et d'îles paradisiaques, des ferlantes escales de bistrot vous souderont comme des frères, un fond de calot, pince à calot. Enfoiré de corsaire. Bon vent les gars, soyez forts et ça ira. Qu'un vent tabac, courage, saillons l'équipage de marche à l'unisson instrumentale. Tête et dans vos cœurs, femmes et enfants, votre lueur s'illumineront comme une fête, vous guideront dans les tempêtes, par-delà les vagues déchaînées, car votre amour va voguer, et nous on sera par la pensée avec vous dans cette odyssée. Votre joie touchée par les orages. Tant que les larmes, le sang, la sueur couleront sur vos visages, c'est que vous aurez évité le naufrage. 1, 2, 3, 4, hey. Bravo. Ambiance festive dans l'émission Maverica ce soir sur Radio Arc-en-Ciel avec le groupe Les Oreilles qui saignent et un morceau qui s'appelle Bon Vent qui est une composition, voilà. Et voilà le petit côté, j'aimais bien le côté marin, bon c'est vrai que Bon Vent et tout ça, et le petit côté aussi russe là. Oh ça fait un peu penser donc aux événements actuels. Donc voilà le petit côté un petit clin d'œil russe, voilà. Super interprétation, vous voulez en faire encore une troisième? Et après on fait une petite coupure. Du coup, on a fait deux compositions de deux personnes différentes. On peut faire une reprise du grand Charles Aznavour, quelque chose que tout le monde a fredonné au moins une fois dans sa vie, qui commence normalement, je sais plus, par la guitare ou l'accordéon, je sais plus qui va commencer. Enfin, moi, en tout cas, j'attends pour démarrer. Ça s'appelle Emmenez-moi. Allez, la vite chauffe. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi, le fruit des bateaux. viennent du bout du monde, apportant avec eux les vagabondes, me fait le ciel de mirage. Très lente, à parfois pas vrai, le pays inconnu, d'éternels étés, l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord à l'arc-en-ciel. Dans les bains, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses dans ma pensée, m'enlève des pauses, un merveilleux été. Sur la grève, où je vois dans mes bras l'amour qui comme un fou court devant de moi et je me prends au bout. Que les marins rejoignent leur bord. Y'a David tout seul au matin, debout sur le pont. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Un beau jour sur un ration craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfance, et si de lointaine rien n'est important que de vivre. Où les filles à langue qui vous ravissent le cœur, entrer sans m'attendre de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage, j'ai le cœur libéré en chantant très fort. Bravo! Les oreilles qui saignent sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika avec un morceau de monsieur Charles Aznavour, encore un grand nom de la musique française, Emmenez-moi, voilà. Bah super, hein, bravo, hein. Merci, voilà trois morceaux, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu, allez. Parce que on va se remettre en configuration pour discuter tous ensemble. Donc du coup, voilà, je remets les micros à peu près comme ils étaient tout à l'heure. Il y a une chose qui m'est revenue aussi, c'est qu'au début de l'émission, on avait parlé aussi du son des blés et on s'est dit ouais le nom des artistes on s'en souvenait plus sur le moment. Ah oui. Donc on va le redire. Donc il y avait Jekyll Wood. Exact. Voilà, oui. Voilà très fort hein, tout seul sur scène, il nous fait un concert lui tout seul. Vraiment c'est impressionnant. C'est balèze, j'avais déjà eu l'occasion de le voir il y a quelques années et là c'était un plaisir de le retrouver sur scène. Jekyll Wood, il y avait aussi Dirty Charlie, un groupe qu'on a reçu aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a quelques temps aussi. Les oreilles qui saignent bien entendu et Jesus Whiskey K que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Voilà, comme ça. C'était un bon moment, c'était un très bon moment. Voilà, c'était le 24 septembre à Boulay-les-Bars. Ouais, et donc je peux confirmer aussi, ça sera le 2 septembre le prochain. Donc, d'accord. Cette fois-ci, ça sera après l'été, parce que je me souviens qu'en plus. Le 24 septembre. Donc c'était bien au mois de septembre. Hein. Le 24 septembre, la dernière fois, il commençait à faire un petit peu frais le soir. Et donc les gens, ils étaient là au début, ils faisaient bon. Et puis après, je pense que il y a des gens qui sont partis parce que c'était en extérieur et que quand il fait froid, des fois il y a des gens qui supportent pas. Donc oui. Cette fois-ci, ils ont eu l'idée de le faire un peu plus tôt. Donc ça sera le 2 en espérant qu'il fasse bon ce jour-là parce que en extérieur, c'est toujours un risque, hein. C'est vrai que c'est pas évident. Bah après, c'est les festivals, c'est comme ça. Hein. Bah ouais, c'est ça. La météo, c'est le premier ennemi du. C'est le pire, quoi. Ah ouais, moi j'ai vu déjà des. Moi j'ai vu une fois lors d'un concert en extérieur, ils avaient mis une bâche sur la scène, tout ça. Donc ils continuent à faire le spectacle, hein. Et la bâche s'effondrait avec toute l'eau qui est tombée sur les amplis. Pouf. Alors, les amplis à lampes, ils n'aiment pas ça du tout. Donc voilà, la catastrophe. Mais bon, donc il y a des fois, il vaut mieux éviter. Et après, on assurait par concept musique. Et on connaît ça, nous, les fêtes de la musique sous la flotte. Oh, quelle horreur. Mon Dieu, quelle horreur cette météo. Mais bon, non, mais ça va, il va faire beau le mais gars. Après, quand il fait beau, c'est des souvenirs. Voilà, on garde des très bons souvenirs. Hein, des spectacles en plein air, franchement, c'est le top, quoi. Voilà, très bien. Donc il fallait le dire, comme nos amis du son des blés, on a déjà commencé. On ne sait pas encore qui c'est qui va jouer cette année. J'ai pas la programmation. Non, apparemment, j'ai regardé sur leur page, il n'y a rien encore de mis, il y a juste la date. Donc peut-être qu'ils sont en train de voir pour avoir des bons artistes, comme à chaque fois. C'est toujours des bons artistes. Ouais, c'est pas nous qui on dira pas le contraire. Alors là, je vais vous dire. En plus, il n'y avait pas Mika. Ouais, il y avait pas Mika, ouais. Je ne savais pas. C'est vrai qu'il était pas là. Il a brillé par son absence. Ils ont dit surtout, si vous venez, les gars, vous avez pas Mika. Donc on a dit OK, d'accord. D'accord. Ouais, ils avaient payé hein, pour pas qu'il vienne. Ah bah non, on a été. Je sais pas, j'ai pas vu la couleur du chèque toujours. Non, mais ils ont payé les autres pour pas que toi tu viennes. Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais, bah. Non, on plaisante. Hein. Bien sûr, on plaisante. Voilà, donc alors là, vous avez déjà combien d'enregistrements? Vous avez là ce soir, vous m'avez amené un album qui s'appelle comment cet album-là? Bon vent. Bon vent. Bah oui, c'est. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a on a fait un premier enregistrement à l'époque avant qu'il y ait cette nouvelle formation pour voir ce que ça faisait. Enfin, on l'a fait un peu nous-mêmes. C'est notre batteur de l'époque, donc le bassiste actuel, qui l'a enregistré avec son savoir-faire à lui. Ouais. On a dit, bon, tiens, on va voir ce que c'est. On l'a fait nous-mêmes. Et puis après, on a appris, avant que le groupe soit vraiment restructuré, on a appris le départ de notre guitariste, Fabien, qui partait en Bretagne, mutation professionnelle. Enfin bon, il quitte la région. Donc j'ai dit, bah mince, il faudrait qu'on arrive à immortaliser enfin un peu notre groupe tel qu'il est là avant ton départ en fait. Donc pendant le confinement, ça s'est passé en 2020, on a demandé au VNB de Barjouville s'il voulait bien nous laisser sa salle, la salle de son bar en fait, pour faire un tournage et puis pour s'enregistrer un DVD. Donc c'est la même chose mais sauf qu'on voit nos tronches. Et puis voilà, donc on a enregistré avec Bruno Latournerie à l'époque. Donc c'est un animateur un musicien de Châteaudun qui a bien accepté de nous faire ça. Voilà, donc il nous a enregistré avec des caméras et puis par le son. Et puis on a créé un DVD. Donc c'est le deuxième, celui où où il y a écrit VNB là sur ton dossier. Oui, donc ça c'est normalement un DVD qu'on a fait. Ok, d'accord. De notre répertoire avant. Ouais, d'ailleurs, la version que j'avais passée moi de la bouteille de rhum, c'était déjà écrit au VNB. Donc, c'était écrit au VNB. Ouais, donc voilà. Et là on a enfin j'aimerais bien, mais bon c'est du temps. Il faut que tout le monde soit dispo. Il faudrait qu'on. J'ai pour projet de faire une résidence là dans une salle près de chez nous où on pourrait mettre en place une typographie scénique en fait avec des lumières, du son, enfin pour que nous on sache déjà comment on va travailler cette année. Et j'aimerais bien que ça soit enregistré avec la nouvelle formation en fait. Mais bon, il faut que tout le monde soit là, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on sache quel set on enregistre et tout ça. Donc ça va être dans un second temps, on va, je pense, refaire un enregistrement actualisé puisque là les enregistrements qu'on entend ils sont pas vraiment actualisés. On est quatre sur scène. Et c'est pas les oreilles qui saignent d'aujourd'hui. D'accord. Effectivement, ça a évolué. Donc ça a un petit peu évolué. Ça a changé. On a rajouté Alain. Alain d'ailleurs qui nous écoute. Alain, coucou Alain. Voilà. Il est chauffeur de taxi. Il nous écoute. Alain, il nous a rapporté des choses en plus avec le son de synthé et tout. Donc ça n'a plus rien à voir. On est en train de mettre en place quelque chose de plus Je sais pas comment je pourrais détailler, mais c'est plus un peu plus pointilleux musicalement parlant, quoi. On nous serre un peu la vis. D'accord, ça ne peut être qu'enrichissant. Donc voilà, le fait d'avoir des membres qui viennent d'horizons différentes, et puis ça, avec des connaissances, voilà, qui vont partager avec les autres membres, ça fait évoluer le groupe. C'est ça. Et comme vous êtes un groupe de live, vous aimez les concerts, la musique elle est vivante. C'est live, ça veut dire vivant. Donc les morceaux ils évoluent aussi avec le temps et vous les peaufinez au fur et à mesure. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et après de temps en temps il faut les mettre en boîte, quoi. Il faut les enregistrer pour avoir des souvenirs. Et puis il faut avoir des souvenirs. Moi, c'est plus pour avoir des souvenirs, parce que jamais on vend, évidemment, nos albums sont pas... On le fait pour nous, pour notre plaisir personnel, quoi. Et voilà. Donc, après, on a réussi aussi à avoir Mika, qui arrive d'un horizon complètement différent, donc qui ramène des parties guitare électrique vachement plus punchy. Ça on voit que c'est autre chose, quoi. Enfin, ça fait... c'est un mélange, en fait, de connaissances qui fait que ça améliore le truc vachement. Très bien, super. Voilà, donc il y a eu ces enregistrements, il va en avoir d'autres très bientôt. J'allais vous demander s'il y avait des clips, mais effectivement il y a un DVD aussi, mais on peut le découvrir où? Il est le sur DVD, YouTube. Il y a quelques morceaux sur YouTube. Et sur puis YouTube. Après, il faut m'appeler, puis je le balance. Enfin, je le donne aux gens qui veulent d'accord. voir nos tronches. Mais c'est quand même pas. Après, il faut pas porter plainte. Hein. Si on n'a pas des gueules. Non, c'est vrai. Ouais, après, on a les tronches qu'on a, quoi. Il faut pas non plus attendre un concert de David Hallyday, quoi. Ouais, mais en même temps, ici, on est la radio, donc les gens peuvent fantasmer sur nous. Ouais, c'est ça. Voilà. Que par la voix, quoi. Que par la voix. Parce que la voix, ça va. Ça passe bien. Après, nos tronches, peut-être un peu moins. Ah oui, c'est ça. Non, je rigole, je plaisante. Surtout quand on voit Loïc, on a peur. C'est ça. C'est ça qui est. Après, je veux pas que les gens me disent oui, t'en rends compte, t'as fait un DVD, mon gamin il a pas dormi de la nuit. C'est pas de ma faute. Faut mettre un Peggy 16 dessus, tu sais. Ouais, t'as dit au moins de 12. Ouais. C'est que de la musique. Mais... C'est que de la musique. Attends, tu vas comprendre quand ils vont se retourner. Ouais, d'ailleurs, l'affiche où on te voit de dos, c'est toi, Loïc. C'est moi, on reconnaît mon arrière-train. C'est moi. Ça, c'est pareil, ça s'est fait comme ça. On a pris une photo comme ça sans trop savoir. Puis, du coup, maintenant, on passe cette image-là. Ouais, c'est marrant parce qu'il écrit le nom, les oreilles qui saignent. Et puis, on ne voit pas surtout, c'est ça qui est pas mal. C'est toujours le même d'accord. problème. La même de face, ça serait pas la même. Hein. C'est vrai que tu n'aurais peut-être pas mis sur l'affiche. Voilà. Ou alors après il faut trouver un mannequin qui veuille bien poser. Après c'est ça. Ouais, mais après les gens sont déçus. Dans le groupe des mannequins, on n'a pas. On n'a pas trouvé. J'avoue là. Non, je pense que les gens ils vont pour la musique et puis ça se passe bien quoi. Oui, et puis donc après, de toute façon on a le public qu'on mérite hein. Alors pour tous ceux qui écoutent les oreilles qui saignent, vous faites abstraction de la dernière phrase de Loïc. Non, je blague, je plaisante, ça passe bien. Moi je pense que... C'est des moments que... Enfin, moi, c'est des moments que j'oublierai jamais, que ce soit n'importe quel concert, du plus petit au plus grand concert qu'on a pu faire, c'est des moments que j'oublierai jamais. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, un concert que tu te souviens plus que les autres, parce qu'il s'est passé quelque chose de spécial? Moi, le concert qui m'affectionne le plus, c'est le Festival Alliance à Rouvray, puisque j'ai mis en place ce festival pendant le confinement. Et la première édition, c'était en 2020. Là, on va arriver à la troisième. Ce concert-là m'affectionne plus particulièrement parce que c'est chez moi, parce que c'est mon festival. Mmh. Et maintenant, j'ai une grosse équipe derrière moi. On fait des trucs... Enfin, ça a pris une ampleur assez impressionnante par rapport à la taille du... Je pense que si j'ai un concert à garder, ça sera celui-là. D'accord. Parce qu'il y a une technique, il y a une société d'événementiel qui nous suit. Enfin, c'est magique, quoi. Pour nous, c'est magique. Mmh. Maintenant, après, il y a plein d'autres petits concerts. Je pense à Trancrainville, c'est un petit village. Ils font une marginatoire, 700 personnes à la marginatoire, concert à la fin de la marginatoire. Petite scène à un semi-remorque qui nous est prêtée. On fait le concert. C'est pareil, c'est des moments à 700 personnes, ça commence à faire beaucoup. Ah oui, c'est des bons concerts déjà, 700 personnes. c'est des trucs magiques. Et puis là, j'attends avec impatience le 17 juin chez Mika. Où là, je sais que c'est lui qui va se marquer son concert, qui va prendre son concert à lui avec nous en plus. Alors D'autant plus que... Puis les autres groupes dans lesquels il... Bah tiens, d'ailleurs, si je peux juste faire une petite parenthèse. Oui, tout à fait, hein. Parce que l'année dernière, donc à cette fête de la musique, il y a eu un petit groupe que tu connais certainement qui s'appelle Missing. Oui, hein, tout qui à fait, est oui, venu, qui a été enchanté. Ici, et donc, depuis longtemps. Voilà, et donc Fred, quand ils ont fini de jouer, est sorti, a dit c'est juste exceptionnel l'ambiance. Donc ils seront également avec nous cette année, d'accord, le 17 juin à Spuy. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'ils sont venus dans l'émission. Ça serait bien qu'ils reviennent aussi parce que c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. Ils sont géniaux, ils sont géniaux. Et puis, moi, j'aime bien les voir sur scène parce qu'il y a des clins d'œil. On voit qu'il y a une complicité et tout ça. Ouais, la dernière fois que je les ai vus, c'était au Dropkick, il me semble. Et puis, donc, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on les voit. En plus, ils ont la particularité, c'est de reprendre des morceaux, mais à leur sauce. C'est-à-dire qu'ils changent. Des fois, c'est un morceau de rock, ils le font un peu funky ou des choses comme ça. Donc, ils se l'accaparent complètement. Et puis j'aime bien ce côté-là. Bah, l'idée, c'est un peu la même que Les Oreilles qui saignent, c'est-à-dire la reprise de chansons. Bon, eux, c'est plus dans le domaine musique. Oui, pop rock. Voilà, pop rock, rock. Oui, bien oui. Rock, hein, ils font des trucs bien rock, mais qu'ils adaptent à leur sauce, comme nous on fait avec Les Oreilles qui saignent, mais plus dans un registre variété. Mm-hmm. Donc c'est pas mal. J'aime bien. Parce qu'après, il y a les groupes de tribute qui essaient d'avoir exactement le même son, la même voix, le même truc. Alors que. Mais il n'y a pas le petit truc, tu vois. Il n'y a pas leur essence. Voilà. Moi, je dis, chaque groupe a son essence. Et vous êtes des musiciens, vous avez votre manière de jouer. Il faut la conserver, quoi. C'est ça le plus important. Même si vous reprenez des morceaux, on les reconnaîtra, les morceaux. Parce que c'est des morceaux connus que vous avez, mais c'est joué à votre manière. Et moi, par exemple, quand je réécouterai une reprise, je dis, tiens, ça ne serait pas Les Oreilles qui saignent. Parce que vous avez quand même votre manière d'interpréter, quoi. Les accordéons, la voix, tous ces trucs-là, ça, c'est une signature, quoi. Donc, ça sert à rien de vouloir imiter vraiment les trucs d'origine, puisque de toute façon l'enregistrement est déjà fait. Ça a déjà été fait. Voilà, donc ça a déjà été fait. il faut être soi-même. Moi, je crois que c'est ça le plus important. Un jour, j'espère que Les Oreilles qui saignent reprendront Renaud, uniquement le répertoire de Renaud. Alors plus tard, ce sera mieux parce que ça sera de l'eau qui aura coulé sous le pont. Mais j'espère qu'on aura notre répertoire, enfin notre hommage à Renaud et que Renaud, donc ça c'est pareil, c'est un projet. Quelques musiciens du groupe sont pour, d'autres un peu moins. Moi, je suis quitte à réduire la formation s'il faut, ça sera comme ça, mais je sais qu'il y aura Les Oreilles qui saignent chante Renaud. Ça arrivera un jour, ouais, je pense. Ouais. Actuellement, vous reprenez combien de morceaux de Renaud? Il calme en fait. Moi, mon vrai problème, c'est que j'écoute, je suis Renaud. Ah d'accord. Jimmy Sugar, c'est Johnny Hallyday, c'est Renaud. Voilà. Après, je me dis, les gens, on vend pas des concerts, enfin, on vend pas que du Renaud, quoi. Quand on va quelque part, ils savent qu'on fait c'est varié. Mmh. Donc, il faut pas non plus charger en Renaud, même si c'est mon truc plus que les autres, mais bon. Je sais que j'aimerais bien, enfin ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur. D'accord. Que ce groupe reprenne un set de Renaud, voilà, complet, et qu'on vende Les Oreilles qui saignent chante Renaud, voilà, parfait, ça sera d'accord. Pour faire. Et puis je pense que ça rentrera un jour ou l'autre dans les choses à mettre en projet. Voilà. Très bien. D'autres projets encore? Des clips vidéo, Après, c'est un peu au feeling. S'il y a des gens qui nous écoutent, comme là, David McLean tout à l'heure, qui nous propose en live le concert avec lui, moi, on est donc totalement partant sur des trucs comme ça. Un peu à la pro, on y va. Au contraire, enfin, c'est des choses qui nous plaisent. Donc, après, nous, des projets, on en a plein. Enfin, moi, j'en ai plein la tête, mais réalisables ou non, j'en ai plein dans la tête, ouais, des projets, mais et après pour les mettre en place, il faut du temps. Ah bah c'est du travail. Hein, il faudrait que la France nous laisse tranquille pour qu'ils nous disent les gars, allez pas travailler demain, c'est pas la peine. Vous allez pas, vous faites votre truc, y a pas de problème. Ouais, ouais. Quentin, si tu la retraite à 60 ans, non 58. Ouais, la retraite, tout ça. 43, moi c'est pas bien. 43. Moi j'idéalise un peu. Hein. J'aimerais bien une vie où on va bosser quand on veut et puis ça serait top quoi. Et puis on fait ce qu'on veut, mais on gagne pas forcément d'argent, il n'y a rien qui est payé. On se prend pas le chou, quoi. Mais ça, c'est dans un autre monde. Ouais, ça, c'est l'utopie, je crois. C'est Utopia, on en a parlé tout à l'heure. Peut-être qu'on arrivera. Alors après, si on arrive aussi à aller... Alors c'est pareil, s'il y a des auditeurs qui connaissent, qui ont les moyens de nous y orienter, jouer sur un front de mer, sur un port. D'accord. Un concert sur un port. Bah, c'est des gens qui nous écoutent en Bretagne ou un truc comme ça. Jamais. où là, on pourrait être dans un élément un peu différent, un contexte un peu différent. Ça serait top pour moi. Enfin, moi, ça fait partie des choses aussi qui me tiennent à cœur. Mmh. Une c'est... fois au moins, si on arrivait à avoir une scène sur un front de mer, ce serait beau. Là, je crois que le port le plus près, c'est le port Arthur, non ? Qui est dans le Loiret. Ouais, il y en a un à Chartres aussi, sur l'Eure. D'accord. On peut demander à Max, Max DeGiovanni. Ouais. Il vient de Biarritz, lui. Il vient de Biarritz. J'avais dit Bayonne tout à l'heure, mais oui, c'est à côté. Ouais. Biarritz. Après, si on arrive à aller sur celui de Lorient, ça peut être pas mal. Ouais, c'est vrai. On peut aller jouer aux soldats Louis-Son. C'est vrai que les champs de marins, on pense plus la Bretagne, mais bon, il y a des marins sur toute la côte, hein. Et même en Méditerranée. C'est vrai. Tiens, on parlait de Max, on s'écoute un petit morceau de Max. Allez, allez viens. Non, c'est pas celle-là. Ah, parce que moi, j'en ai choisi une autre. Pourquoi ? Parce que c'est un morceau qui a été enregistré dans l'émission Mavrica. Ce morceau-là, je suis en train de regarder si je l'ai bien calé, parce que comme je fais plein de choses en même temps. Ouais, c'est bon. Alors c'est une dernière fois. Tu connais ce morceau-là ? Oui, oui. Il m'a donné les frissons qu'on a interprété ici. Moi j'aime bien la version de l'album. Elle est très bien, elle est super bien enregistrée. C'est un très bel album. Hein. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Il y a des albums comme ça que j'écoute une fois, deux fois, trois fois, je m'en lasse pas. Il y en a certains des fois j'écoute, je dis ouais c'est bon, on passe à autre chose. Mais là franchement, il est très bien fait. On s'en lasse pas du tout. Et quand il l'a interprété ici, il y avait lui. Et la guitare, c'est tout. Ouais. Et là, l'émotion était là. Je l'ai toujours connu comme voilà. Ça. Donc, franchement, c'était une bonne rencontre. Et puis, il revient ici quand il veut. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent acheter son CD, il m'en a laissé. Pour ceux qui sont dans la région, il n'y a pas de problème. Il y a un point de vente avec moi. Et en plus, il est bien illustré. C'est sa maman qui a fait la couverture. Sa maman que j'embrasse aussi, d'ailleurs. Voilà. Bon, on les embrasse tous. Et puis, on va écouter tout de suite le morceau une dernière fois. Non, mais c'est pas la dernière fois qu'on l'écoutera. Hein, ça, c'est sûr. Pour pleurer, je voudrais me perdre au milieu des pins, m'y perdre, pouvoir tout oublier, marcher seul dans ces sentiers sans fin, dans la pénombre, me cacher pour pleurer. Je suis seul au lieu de tout ça, allongé dans ce lit, m'imposer sur mon torse, dans cette antagonie, des fleurs fanées posées là, sans honneur, sans personne et sans force. Les néons clignotants qui m'aveuglent, mes rêves communiquent comme unique compagnon. Pas de Dieu à prier, dernière main dans ma gueule, la solitude comme dernière sensation. Je voudrais la revoir une dernière fois, entendre le murmure de ses vagues, repenser à toi, à ma mère, douceur de sa main dans la mienne. Voilà, superbe morceau, et c'est l'interprétation qui a été faite ici en direct live dans l'émission numéro 495. Donc vous voyez le truc. Alors là, il y a certains enregistrements comme ça, on est très fiers, parce que bon, c'est beaucoup plus facile quand on enregistre une voix et une guitare, hein, deux instruments. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui avec les accordéons, mais bon, on est content quand même. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y aura un podcast de l'émission Mavericade pour ceux qui auront loupé, et puis pour vous qui voulez récupérer sûrement l'émission pour réécouter comment vous les avez interprétés, ces morceaux en direct live. Ça, c'est important qu'on ait du live, parce que j'aime bien les récupérer et les rediffuser dans d'autres émissions, parce que c'est des morceaux qui nous appartiennent à nous, et il n'y a que nous qui les diffusions. Ouais, voilà. Ouais. Et en plus, avec un petit clin d'œil pour l'émission Mavrika et tout ça, donc c'est impeccable. Et à ce propos, je voudrais remercier Florent, parce que c'est lui qui nous fait les podcasts. Donc il enregistre chez lui les podcasts, et après il les publie. Donc il fait un petit lien, il les coupe, il fait tout ce qu'il faut. Et après, on a un petit lien qu'on partage dans le Facebook de l'émission Mavrika, et ce qui nous permet de réécouter l'émission si elle nous a plu, de l'écouter si on ne l'a pas pu l'entendre, et aussi de la télécharger et de conserver les morceaux pour les réécouter dans sa voiture, au téléphone, n'importe quoi, voilà. Donc merci Florent, et puis voilà. Il nous reste combien de temps? Ouais, le temps passe très vite, il y a encore des morceaux à interpréter en live, il y en reste encore une... Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite série de trois encore, ou nous comment en reste, ça se passe? Il nous en reste 34, ça va très bien, comme vous voulez. Non, parce que à chaque fois il faut regarder la pendule, parce que les gens ils disent mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 heures? Mais 3 heures ça passe très très vite. Ça passe vite. C'est vrai, et surtout quand il y a de la musique, voilà. Donc il y a des morceaux qu'on écoute, on discute. Bon, et puis le live c'est quand même c'est ce que j'aime dans l'émission Mavrika. On fait la radio à l'ancienne, comme peu de gens prennent le risque de faire aujourd'hui, hein, faut quand même le dire. Alors ce qu'on va faire, vous allez... Ah, bah, vous êtes déjà en place. Bah, dis donc, ça va vite. Hein. Donc là, je regarde les micros, parce que j'ai coupé ceux qui ne sont pas nécessaires. Je vais régler à peu près les autres comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était pas mal. Hein. On arrivait mieux à séparer déjà l'accordéon de la guitare. Michael a bien joué aussi. Hein. Ah, il a bien joué. C'est tellement rare. C'est mieux que je suis à jeun aussi. Ouais. Ah, il faisait pas semblant depuis tout à l'heure, là. Non, c'est vraiment lui qui joue. Hein. Histoire vraie. Une fois, j'avais été voir un groupe, et puis on m'avait dit, tu remarqueras le bassiste, des fois il est perdu, il sait pas, il fait semblant de jouer, et il fait semblant de jouer, mais on n'entend plus. Et effectivement, je citerai pas qui c'est. Et j'avais été à ce concert-là, et effectivement, je voyais il faisait semblant, mais il jouait plus, et on l'entendait plus. C'est parce qu'il était perdu dans ces trucs. Donc, les gens, ils me disent, tu feras attention, de temps en temps, ça arrive. Donc, des fois, c'est mieux de, quand on est perdu, d'arrêter de jouer. Oui, d'arrêter plutôt que de faire des fausses notes. Plutôt que de jouer à côté, parce que tout le monde se perd, et là, c'est catastrophe. Ouais. Donc, je baisse la petite musique de fond, et vous allez interpréter quoi comme morceau? Juste pour mon pote qui nous écoute de Carcassonne, tu vois, comme quoi ton émission va aussi. D'accord, bah super. Pour mon pote Stéphane, le pote de. plus de 30 ans maintenant, on va interpréter une chanson de Solde à Louis qui s'appelle Frère du Port. Très bien, c'est à vous. Adieu camarade, que la sournoise demande aux prisons comme aux déferlantes. Du sel de nos larmes jusqu'au noir de l'absence, matelot, que la peine est immense. Oh frère du port, nos yeux toujours chercheront les fleurs lancées par du bord, recouvrant l'écume d'agent. Adieu camarade, volé par l'océan, quand vos plaintes se mêlent au vent. Il pleut sur la rade, son cœur est pourtant, d'autres vous rejoindront sûrement. Oh frère du port, nos yeux toujours chercheront les fleurs lancées par du bord, recouvrant l'écume. Camarade, perdu dans la tourmente, maudit c'est la vague insolente. À jamais vos noms, oh nos âmes dehors, elles écoutent la mer qui chante. Camarade du pays des légendes, mais que le saint patron vous entende. Demandez-lui de veiller sur ceux qui vous attendent sur un bout de granit et de lande. Oh frère du port, nos yeux toujours chercheront les fleurs lancées par du bord, recouvrant les culs encore une fois. Bravo. En direct live, une reprise de Soldat Louis qui s'appelle Frère du Port, c'est ça? Oui, Frère du Port. Très bien, comme ça je mets le programme à jour au fur et à mesure que les morceaux sont interprétés dans l'émission Mavrica. Comme ça vous pouvez retrouver les titres qui ont été diffusés dans cette émission numéro 540. Voilà, tout simplement. Très bien, vous continuez à un deuxième accordéon cette fois-ci? Non, non, non. En fait, je vois le blague. C'était c'était une blague. Ouais. D'accord. Parce qu'il fait semblant de jouer aussi, mais on vient de lui dire qu'à la radio ça servait à rien. C'est parce que c'est mon rêve, mais ils veulent pas me laisser jouer. D'accord. Enfoiré. Voilà, donc bah tant pis, je le prendrai pas. Voilà. Je suis triste, mais c'est comme ça. C'est à cause de Mika. Ah, ça y est. Merci Mika. Encore de ma faute. Alors, on va faire une chanson un peu plus ancienne peut-être. Je sais pas, remarque. Moins de Hubert Félix Thiéphen, qui s'appelle La fille du coupeur de joint. Ça commence comme ça, ça fait un truc. Comme... descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joie. Et nous on était cinq chômeurs à s'inventer sur notre malheur, en se disant qu'on se taperait bien, la fille du coupeur de joie. et qu'elle nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens. La fille du coupeur de choix, la fille du coupeur de choix. Vive là qu'elle nous prend par la taille et qu'elle nous emmène sur sa paille. Elle nous fait le coup du zipplin, la fille du coupeur de choix. Allez. Nous on était cinq chauveurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin de soin, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. De sa paille, sacré bon Dieu que c'était bien, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Plus question de chercher du travail, on pédalait dans les nuages. Au milieu des petits lapins, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, Les Oreilles qui Saignent ont interprété un morceau qui s'appelle La fille du coupeur de joint de Hubert Félix Thiéfen. Voilà, un standard, hein. C'est vrai que ce truc-là, je suis sûr que quand vous commencez à chanter, il y a des gens qui font « Oh !» ça c'est certain. À chaque fois. À chaque fois. Multigénération. Ouais, ouais. Il y a des chansons comme ça, tout le monde les connaît. Exactement. Des fois, on ne se souvient pas du titre, on ne se souvient pas, mais la mélodie est là. Très bien, encore un autre ? Comme tu veux. Si oui, on a encore un sous le coude. Encore un sous le coude, d'accord. Avant les rappels, c'est ça ? Avant les rappels. Avant les 25 rappels. Les 25 rappels. Donc après, on est en concert jusqu'à 6h du matin, c'est ça ? Ouais, hein, on avait prévu 7h30. 7h30, d'accord, ok. Celle-là, c'est une chanson des Ogres de Barbac. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent. Mm-hmm. Oui. Ça s'appelle Les Rues de Paname. Alors, j'essaye de me mettre bien, tant bien que mal, tac, voilà. Ouais, donc, alors, il y a l'accordéon en plus. Ça va s'arranger. Ça va y aller. Ta voix passe bien, donc je peux même me remonter un petit peu plus, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux me reculer un peu, là. Oui, oui. Regarde. Ah, voilà, comme ça, j'ai plus d'aise. Voilà, c'est bien. Moi, je remonte un petit peu, et puis ça devrait le faire. Alors, ça commence... Les rues de Paname. Les rues de Paname, ouais, des Ogres de Barbac. C'est David qui commence, je crois. Dans une rue de Paname, errant au bas. bord de l'eau. Tu m'aimeras Amsterdam pour finir au bistrot. Il y avait là deux, trois femmes qui faisaient le tapin. Moi j'aiguisais madame pour planter les rupins. Les gens de beau quartier, les touristes, les vieillards aiment bien se promener le long des grands boulevards. Ils achètent des souvenirs, des tours Eiffel en plastique. Les saltimbanques les font rire, et faudrait qu'on leur explique. Y'a de la merde partout, de la drogue et surtout les jeunes en galère qui trafiquent la misère. Et je dois bien avouer que j'y passe toutes mes journées. C'est que parfois à Paris, c'est la joie et la folie. Allez. Croyez-moi, bientôt les flics auront du boulot, car tous les vagabonds parlent de révolution. Un jour toutes nos chansons, ouais, vous désarmeront. Il n'y aura plus que la folie, la joie et l'anarchie. La joie et l'anarchie, la joie dans Paris. Superbe interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le groupe Les Oreilles qui saignent, représenté par trois membres, hein, Mika, Loïc et David. Ils sont là dans les studios en direct live. Et les morceaux que vous écoutez sont sans trucage. Hein. C'est vraiment pris sur le vif. Et en ça attendant... Oh non, c'est super bien. Non, non, franchement, on passe un beau moment avec vous. Et puis avec des superbes chansons, Les Rues de Paname, donc les orgues... Les ogres de Barbac. Voilà. Un superbe morceau. Et puis c'est vrai que l'accordéon, c'est quand même la musique de Paris, hein. Paname, hein, c'est tout à fait ça. Hein. Voilà, donc trois morceaux à la suite. Donc si vous voulez le programme, vous pouvez le retrouver sur le Facebook de l'émission Mavrika. Et n'hésitez pas à nous mettre un petit coucou. D'ailleurs, beaucoup l'ont déjà fait et ça nous fait toujours plaisir. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission. On attaque la dernière demi-heure et on a encore des trucs à découvrir. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose sur les oreilles qui saignent que vous aviez envie de dire et qu'on n'a pas abordé, un sujet qu'on n'aurait pas abordé, par exemple on a vu les projets, on a vu l'histoire, on a vu les membres. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé, non? Alors, la tyrannie pendant les répètes. La tyrannie des répètes. Hein, David, tu es avec moi là-dessus. Hein, on est maltraité. On est, voilà, tu verrais. Loïc, c'est un tyran, en fait. Il a l'air comme ça, sympa, la radio et tout, mais en fait. Des fois, il n'y a pas de bière. Ouais, c'est vrai, c'est arrivé qu'il n'y ait pas de bière. Tu te rends compte? C'est inadmissible. Donc la répète. Non, mais oui, la répète, c'est, on fait ça le lundi soir. On a une salle. C'est le lundi soir. Vous on a notre salle de répète, ouais. Donc le lundi soir, à Rouvray-Saint-Denis, voilà, on est toujours rassemblés là-bas et puis on répète nos morceaux de des fois ça dure longtemps des fois. De 18h jusqu'à. C'est pas une phrase que j'ai l'habitude d'entendre. Donc voilà, non, mais après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter sur les oreilles qui saignent, gros, j'espère qu'on va faire une belle année 2023. Si y a des gens qui veulent nous avoir sur scène, et ben oui, on peut venir. Même des établissements à Orléans, on a fait, je sais plus comment c'était, un établissement où il y avait beaucoup de, enfin c'était un centre pour les handicapés, c'était des jeunes enfants handicapés mentaux ou physiques, et en fait on fait aussi ça, si on a des portes qui s'ouvrent sur ces établissements là, on fait volontiers ce genre de choses. D'accord, c'est vrai que moi j'ai déjà eu l'occasion d'assister à des concerts comme ça pour les gens handicapés, et ces gens-là, ils sont très réceptifs à la musique. Ça, j'ai remarqué ça. Ils sont plus expressifs encore. Par exemple, lorsqu'il y a les concerts au Sans Arpents, organisés par l'Institut des Sans Arpents, ça s'appelle comme ça, où il y a des jeunes adultes handicapés mentaux qui sont là et qui participent, hein, ceux qui organisent, c'est organisé par leur établissement. Et il y a des groupes de rock qui vont jouer assez régulièrement. Et à chaque fois, c'est un plaisir. Moi, j'y vais souvent. Et à chaque fois, c'est un plaisir de les voir justement applaudir. Ils sont vraiment dans. Ils vivent la musique. Hein, ouais, c'est encore plus important. C'est important. Ouais. Donc, si des fois, on a des animateurs de ces maisons-là qui nous écoutent, pourquoi pas nous contacter, on peut volontiers faire des choses, des actions comme ça, ça nous plaît. Voilà. Très bien, donc voilà le côté humain, on le voit qui ressort à nouveau. Si, c'est important, le côté humain fait l'image aussi du groupe, hein, parce que c'est important. Ce côté-là, il fait partie à part entière de concept musique et des oreilles qui saignent. Très bien, donc ça c'était bien de le dire. Bah ouais, on entend des rires. Hein. Il y a des gens qui se disent. Oui, je pense qu'il y a. Quelque chose qui se passe à côté, oui, effectivement. Ou alors, c'est peut-être toutes les fans qui vous attendent. Elles sont nombreuses, oui. Il doit y en avoir un paquet. Il y en a sûrement. Je pense que c'est à cause de ça. Il y en a sûrement. Des fois, ils ne sont pas toutes jeunes, mais il y en a sûrement. D'accord. Ah, vous avez comme ça des. Vous attirez plus un certain niveau d'âge ou... Oui, monsieur. Ah oui, d'accord. Et j'en suis fier. Les lois, oui, mais bon. Sans les âges. C'est vrai qu'on n'a pas... Ouais, c'est vrai. Non, mais ça ne veut rien dire. On a des fans qui nous suivent. On a des fans pas forcément très âgés qui nous suivent. Ouais, on en a deux. Bah, y a ma fille, déjà, de 9 ans. Mais c'est vrai que quand il y a des groupes comme ça, il y a toujours des gens aussi de la famille, des amis qui suivent aussi, qui s'intéressent. Et ça, c'est vrai que il y a toujours, vous allez à un endroit, il y a des gens qui vous applaudissent, vous allez à un autre endroit, mais il y a toujours des constants, des gens qui sont toujours là. Et c'est ceux-là qui vous boostent chaque jour, hein, je pense. Hein, oui, bah puis voilà. C'est. Non, mais après, il ne faut pas se voiler la face. L'accordéon, l'image de l'accordéon. Fait que notre public est plus large, beaucoup plus large, parce que les anciens ils veulent l'accordéon, donc nos aînés ils ont envie de savoir ce qu'on fait, quoi. Donc on arrive à avoir dans les salles des gens d'un certain âge qui viennent nous écouter parce que bon, déjà ils nous connaissent personnellement, David et moi, quand on fait des animations pour eux, musette, quoi, on va dire, mais en plus l'accordéon ça plaît. Et du coup, les chansons sont vues autrement quand on les joue à l'accordéon. Même à Noir Désir, vu à l'accordéon, il va être écouté par des personnes d'un certain âge. Si maintenant vous le faites à la guitare électrique, voilà, c'est ça. Tu parles pour moi, là. Finalement. c'est ce qu'on dit, finalement. La musique, il n'y en a qu'une. Hein, elle est interprétée d'une manière ou d'une autre. Hein. Un morceau, vous pouvez le faire en reggae, vous pouvez le faire en rock'n'roll, vous pouvez le faire en musette, pourquoi pas. Et le morceau sera le même. Parce que, bon, j'ai vu que vous reprenez aussi des morceaux de Georges Brassens. Et c'est vrai que c'est souvent ce que je dis, moi. Par exemple, vous prenez un morceau de Georges Brassens, vous le faites vous pouvez faire du métal avec ça. Il n'y a pas de souci. Et ça restera toujours un morceau de Georges Brassens. Et le style, après, bon. Après, le style est différent. Ouais. Et c'est la manière d'interpréter qui fait finalement la différence de style. On a même fait des morceaux rock'n'roll de Fernandel. Pour vous dire que là, en ce moment, on est sur un morceau rock'n'roll de Fernandel. Autant vous dire que le rock'n'roll de Fernandel, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu Fernandel faire du rock'n'roll. Bah si, il faisait du headbanging. Bah à l'époque, oui. Non, mais après, tous les morceaux, on les travaille à notre sauce. Et ça ressemble aux oreilles qui saignent, en fait, ni plus ni moins. Voilà. Mmh. Et puis c'est toujours des morceaux marrants. Faut que c'est une base marrante quand on commence à entamer Félicite Fernandel, forcément les gens ils te regardent et puis après on déconne, on fait les cons sur scène et puis finalement tout le monde chante. Voilà, juste après j'ai calé aussi un morceau qui a été enregistré au VNB. C'est un morceau que je vous ai déjà vu interpréter sur scène et c'est un morceau qui est repris par un chanteur que tout le monde va reconnaître et le morceau s'appelle Santiano, voilà. Ouais. Dès que le vent soufflera. Parce que c'est quoi le titre normalement? C'est Santiano. Santiano, c'est une chanson d'Hugo Frey. Hugo Frey, tout à fait, oui, voilà. Soufflera, une chanson de Renaud, on en a fait un petit medley. Voilà. Les accords sont les mêmes, ils sont pas fait chier, ils ont vraiment ils ont fait de la musique le même jour. Et du coup, les accords sont les mêmes, on les a enchaînés. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des morceaux que tout le monde connaît, toutes les générations connaissent. Quand vous commencez à lancer Santiano en plein milieu d'un concert, ouais, bah ça fait. Un peu avec 3-4 verres, tout le monde s'amuse. Quoi. On rigole, quoi. Après, certains inconditionnés de la musique moderne diront c'est ringard, c'est machin, peu importe. Sûrement, peut-être c'est ringard. Mais il faut savoir. Mais quand j'arrive à voir quelques musiques modernes, je me dis que j'ai. Oui. On est d'accord. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on a déjà quelques années, moi, personnellement, j'ai vu des groupes qui me donnaient l'impression qu'ils avaient tout inventé à une époque parce qu'il y avait un chamboulement et j'avais l'impression que c'était la musique du futur. Et aujourd'hui, on les écoute comme, par exemple, des morceaux de rock dans les années 70, les Led Zeppelin, Deep Purple, on les voyait comme des Spoutniks. À l'époque, c'était qu'est-ce que c'est? Des extraterrestres. Qu'est-ce qui se passe? C'était révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est devenu du rock classique. On dit souvent rock classique. Voilà, simplement. Donc, ce qui veut dire que ce qui sort aujourd'hui, même si c'est très bien, il faut savoir que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils auront des enfants, leurs enfants, ils vont dire, parce que vous écoutiez, c'était ringard à l'époque aussi. Donc, c'est une question de génération. Mais moi, ce qui me fait plaisir, justement, c'est quand on voit des jeunes qui jouent de l'accordéon ou qui font du rock comme on le faisait dans les années 70. Voilà, il n'y a pas d'âge. Voilà, et la musique, c'est culturel, on s'imprègne, et puis quand on aime, on fait la musique qu'on a envie de faire. C'est ça le plus important. Mais il faut déringardiser certains accords, enfin certains instruments, l'accordéon. J'ai des enfants qui prenaient des cours en même temps que moi et qui ne voulaient plus en faire parce que la honte au collège, la honte au truc, c'est dommage. Oui, mais je me souviens, il y avait Gérard Blanchard qui avait remis un petit peu au goût du jour, justement, en faisant du rock'n'roll avec un accordéon, et ça n'empêche pas. Voilà, il faut absolument, ceux qui suivent des cours comme ça, j'ai même des gens qui ne disent pas, quoi, qui sont musiciens, qui jouent de l'accordéon, et personne n'est au courant. Ils jouent bien. D'accord. Mais personne ne le sait parce qu'eux, ils ne peuvent pas. Le monde des ados, le monde est trop cruel et trop dur. Ils préfèrent garder en secret leur truc. C'est fou. Ouais, après, c'est dingue. Un monde de ouf, quoi. Bon, après, je sais pas. Enfin, bon. Moi, je trouve ça ringard, la guitare. Mais tout le monde joue de la guitare. Tout le monde. C'est vrai que ma merde. Donc on va écouter ce morceau donc de Hugo Frey et de Renaud, mélangé, donc les mêmes accords. Et donc c'est un petit medley que vous avez fait et on écoute ça tout de suite. Non, c'est pas le bon. Ça, je connais ça. Mais on va l'écouter quand même. C'est ringard aussi. C'est ringard aussi. Il est où l'accordéon? Oh! Le fameux bateau. Tintin. Ouais, mais c'est pas celle-là en fait. C'est un trois fin comme un oiseau. Iseo, Santiano, 18 400 tonneaux. Et je suis fier d'y être maintenant. Cabon, la vaille, cabon, le vent. Iseo, Iseo, Santiano, si Dieu veut toujours loin, nous irons. C'est la mer qui prend l'homme, ta ta ta. Moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'ai troqué les Santiago et mon cuir un peu zone, contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déjarté les traces qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartirai. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Bon, la mer, elle m'a pris, et mon bateau aussi. Il est fier, mon navire, il est beau, mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Et Tabarly, Pajot, Kersauzon et Rudinel n'habitent pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Ta ta ta. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront. Dedans, Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent qu'à une chose. jouer au docteur, non conventionné. J'ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je les connais bien, les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Cause. Merci David, je les connais bien, les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Souvenir de l'émission numéro 129 pour vous dire que ça date déjà de il y a pas mal de temps et donc un petit clin d'œil à notre ami Renaud hein, c'était Eric Torel et David McLean qui interprétaient ce morceau, c'était Lola mais le morceau c'était Morgane de Troyes ou Morgane de Troyes, ouais, c'est ça parce que j'avais marqué Lola mais bon tout le monde le reconnaît de toute façon, il y a pas de souci. Et c'est vrai qu'il a une voix qui ressemble beaucoup à celle de Renaud naturellement hein. Notre ami Eric Torel, je sais que on a une grande pensée pour lui parce que je sais qu'il traverse une grande épreuve actuellement et puis amitié Eric si tu nous écoutes. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Bah, finalement ça passait très vite, on a réussi à passer à peu près tout ce qu'on voulait. On va quand même présenter le morceau que j'avais prévu pour après mais qui passait avant, c'était les Summer Chains à nouveau avec Astronaut hein, le morceau qu'on a diffusé pas mal de fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de nos émissions. Un morceau qui envoie bien hein. Mais il y a pire. Oh oui, je sais de quoi vous êtes capable. Très bien. Il y aura des concerts bientôt, non? Ou Non, pour l'instant, voilà. Ça va venir. Ça va venir. Il y a peut-être un petit projet acoustique qui est en train de se développer. Ça c'est bien aussi. Ouais, on est en train d'essayer de voir ça. C'est une idée du chanteur. Et puis, on va essayer de tourner un peu. Il y a deux autres titres qui devraient sortir dans quelques temps, donc on les enverra, bien sûr. Très bien, bah avec plaisir. Et puis, ça sera l'occasion peut-être de revenir dans les studios. En tout cas, en attendant, tu leur fais un petit coucou de ma part. Pas de souci. Et puis, je pense toujours à vous. Et puis, à l'occasion, donc vous revenez dans les studios ou alors à l'occasion d'un concert. Hein. Ça, c'est vrai. Il faut aller au concert. Il faut aller. Ça, c'est un truc qu'on dit à la fin de chaque émission. C'est bien d'écouter la radio. La radio, c'est fait pour faire découvrir. Internet aussi. Hein. On écoute des trucs comme ça. C'est bien d'écouter les trucs. Mais aller au concert, vous allez voir, c'est une autre dimension. Il y a le bruit, il y a les gens, il y a des odeurs. Il y a l'ambiance et tout ça. Non, c'est vrai que c'est important. Et puis, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, à la fin, vous pouvez aussi aller voir les artistes et discuter avec eux. Ça vous arrive aussi que les gens viennent vous voir à la fin et puis discutent un petit peu? Oui, ça c'est quelque chose qui fait partie de... Ça fait partie du truc. Très bien. Il n'y a pas de fin, en fait, avec les oreilles qui sont... Non, c'est vrai. Parce qu'après, c'est David qui reprend avec son accordéon, et puis nous, on démonte, et puis il n'y a jamais de fin. On est obligé de nous foutre dehors, en fait. Un petit truc à préciser quand même sur les oreilles qui saignent, parce que là on l'entend pas beaucoup, Père David, là, derrière, c'est vrai qu'il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup, mais par contre en concert, vous allez voir, c'est un sacré énergumène quand même. Je pense que rien que pour le voir, lui, il faut venir. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être parce qu'il est à la radio, on l'entend pas beaucoup. Donc il y a les micros qui sont. Il y a même deux micros sur lui. Très bien expliqué. Voilà. Mais non, faut venir nous voir. Il est scénique. Ah oui, c'est. Personne n'a jamais vu quelqu'un se coucher par terre avec un accordéon. Oui, bah, moi j'ai vu. Le Jimi Hendrix de l'accordéon, il est dans les oreilles qui saignent. Sauf qu'il ne met pas le feu parce qu'on n'a pas les moyens d'en racheter tous les concerts. Il ne le lance pas non plus. Très bien, donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. On a l'habitude de terminer aussi l'émission avec les phrases magiques, hein, que le rock'n'roll soit avec vous. Ouais. On va dire aujourd'hui même que la musette soit avec vous. Ouais, que le rock musette. Que le rock musette soit avec vous, voilà. Que le trash metal musette survive à cet apocalypse. Une vie sans musique serait une erreur. Que vous êtes d'accord. Everything is gonna be alright. Cette émission se termine toujours avec une phrase d'espoir, parce qu'on a toujours l'espoir pour l'avenir, en disant que le monde sera peut-être un jour meilleur. C'est peut-être pas toujours dans le bon sens, mais en attendant, nous on a toujours cet espoir, et c'est pour ça qu'on le dit à la fin de chaque émission. Voilà, cette émission arrive à sa fin. J'ai gardé deux morceaux hein, pour la fin. Là, ce qu'on va faire, on va dire au revoir donc à tous les auditeurs. Hein, merci d'avoir écouté cette émission. Mmh. On va faire un petit coucou à tous les gens qui nous ont mis un petit coucou sur le Facebook de l'émission Mavrika. Donc, il y a la liste, et donc il y a pas mal de personnes. Et moi, ce que j'aime bien, moi, c'est quand je regarde la liste des personnes. Je peux me dire que dans l'émission Mavrika, la plupart des gens, pas tous, hein, mais il y en a, c'est presque tous des artistes de la région. Et ça fait plaisir de savoir que c'est une émission pour les artistes et pour les artistes dans les deux sens, aussi bien pour présenter leur travail que pour écouter le travail des autres. Hein, ça, c'est important. Hein. Vous allez souvent au concert voir d'autres groupes aussi ou... Moi, dès que je peux, j'y vais, mais c'est le temps qui me manque. Mais sinon, oui, pareil. J'adore aller voir. Je suis fan de quelques groupes sur Châteaudun. On peut peut-être en citer quelques-uns, non? Oui, il y a Les Simples d'Esprit à Châteaudun. D'accord. Les 1230. Ah ouais, bah, tu vois. Guitariste. Ouais. Qui tourne bien. J'aime bien. C'est des groupes qui me plaisent, tant musicalement que ce qu'ils font, que scéniquement. C'est d'être déluré un peu, ils sont un peu comme nous, c'est un moitié fou. Moi, ça me plaît. Il faut rester un petit peu fou dans la vie, parce que si on est trop carré, au bout d'un moment, on pète les plombs, c'est pas possible. Simples d'esprit, s'il y a moyen d'aller les voir en concert, si vous avez l'occasion de les voir en concert, ils produisent beaucoup sur Châteaudun, mais faut aller voir. Châteaudun, c'est pas non plus le bout du monde. Hein, donc, moi, j'ai déjà été à des concerts à Châteaudun, et puis. C'est pareil, les groupes de Châteaudun que je connais peut-être pas forcément, s'ils ont envie de venir dans l'émission Mavrika, il n'y a aucun souci. Hein, c'est juste question de s'arranger et de caler une date. On parlera à Philippe, il ne faut pas hésiter. Parce que depuis le temps qu'on fait l'émission, on est à la 540e émission et on connaît pas encore tous les artistes. Hein, parce qu'au début, je me suis dit je vais faire quelques émissions et puis au bout d'un moment, j'aurais fait le tour des artistes de la région. J'ai toujours pas fait le tour. Non. Et puis il y a des groupes qui entre-temps, se sont arrêtés, d'autres qui ont commencé. Il y en a d'autres qui vont venir. Et voilà, donc c'est toujours un éternel recommencement. Et c'est toujours un plaisir de découvrir des artistes différents avec des univers différents. Et puis ce soir, en tout cas, on a passé un très bon moment pour cette émission numéro 540 avec les oreilles qui saignent. Bah, nous aussi. Ouais, sympa de nous avoir invités. C'est radio comme la vôtre là, qui font qu'on a l'occasion de se faire découvrir, se faire connaître. Alors j'espère que ça durera encore. Merci pour ce que vous faites. Bon, on va essayer de faire durer plus longtemps. Des animateurs comme vous, des gens passionnés qui feront ça, on sera, nous, mis en avant. Et ça, c'est respectable. Et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous, les artistes, parce que nous, moi, mon émission, elle est orientée vers les artistes. Donc, si les artistes ne venaient pas dans l'émission, je pense qu'elle aurait beaucoup moins d'intérêt. Et le fait de les recevoir ici dans les studios et de discuter comme ça, librement, au bout d'un moment, on oublie même qu'on est à la radio et on parle entre nous comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Mais on est écoutés quand même. Oui. On les écoute, tranquille, dans le canapé, peinard. Et souvent, moi, je vais à des concerts dans la semaine et puis les gens me disent, tiens, ta dernière émission, ils me reprennent sur des choses. Ils me disent, tiens, t'as parlé de ça, c'est bien aussi. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, même s'ils n'interviennent pas forcément. Mais bon, sachant qu'il y a déjà des gens qui interviennent, alors il faut savoir que moi, le premier, quand j'écoute la radio, c'est rare que j'appelle. Hein. Donc il y a forcément des gens qui nous écoutent sagement sur leur fauteuil, en sirotant une petite boisson au coin de la cheminée. Alcoolisé ou non, non, avec modération. Qu'est-ce que ça veut dire ou non? Avec modération. Voilà. Une tisane, tu vois, tranquille. Donc on va se quitter avec deux morceaux. Le premier morceau, ben j'ai choisi celui-ci parce qu'on aurait pu en diffuser beaucoup plus. C'est Amsterdam, donc le morceau de notre ami Jacques Brel, chanté par David. Ouais. Chanté par David. Et après on écoutera aussi Anaïs from Paris avec. Avec un morceau qui s'appelle Excès Nocturne, et ça sera notre invité de la semaine prochaine. C'est pour ça que j'ai gardé ce morceau pour la fin. Et la semaine prochaine, Anaïs from Paris, un groupe qui vient de Paris, et ça sera notre première rencontre, même si on les suit déjà depuis quelques temps. Voilà, cette émission est terminée. En tout cas, merci à tous ceux qui ont écouté. Merci à vous, les artistes. Merci à toi. Les oreilles Olivier, qui saignent. Bon, derrière, on va faire les photos, parce que c'est toujours bien de garder des souvenirs. Donc, j'ai des paquets de photos, et des fois, je commence à regarder les albums. Et, si vous avez envie de les découvrir, vous pouvez aller sur le Facebook de l'émission Mavrika, vous allez dans le rubrique photo, vous allez dans album et là il y a toutes les émissions, donc c'est simple et puis vous pouvez savoir les numéros de l'émission, la date, qui était là, qui n'était pas là, etc. Et même des fois je me souviens, j'ai reçu tel groupe. Ah, mais il y avait l'autre, il était là aussi, et puis ainsi de suite, l'autre était passé. Tu vois, c'est des souvenirs, c'est des choses, le côté vivant de l'émission Mavrika. Voilà, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission numéro 541 avec Anaïs from Paris et longue vie aux oreilles qui saignent. Merci. Allez, merci à Mavrika. Salut. Aussi. À très bientôt. Allez, 3, 4. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, des rêves qui dérangent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent plein de vielles de loin, aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs d'océan. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur les nappes trop blanches des poissons isolants. Ils se portent la banque sur la panse des femmes dont le son déchiré d'un accordéon rentre. Et ça sent la bruit. Jusqu'en pleine lumière, dans le port d'Amsterdam. David, à l'accordéon et au chant. La prochaine, c'est une chanson qui a été joliment composée par notre ami Fabien, ici présent à la guitare, qui va dans quelques temps rejoindre la Bretagne. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Em um canto batido à esquerda por Rachid Osmaic, de cabeça obrigou o guardião da equipa da casa a empenhar-se. Há ainda também um remate no ferro proveniente de Rachid, o pé direito de Rachid à entrada da área, o remate em arco. Estava batido o Andrew nessa situação, mas a barra impediu que o Vizela se adiantasse no marcador, frente a um Gil Vicente que vai mastigando muito o jogo, tem circulação de bola, mas não consegue progredir no relvado e que nos primeiros 45 minutos não conseguiu criar uma única situação de verdade.